La la la dans le bus. Je l'ai retrouvé, ça existe. Non, non, il avait. Je suis avec Jean-Luc. Solidarité con Jean-Luc. Pour moi, il n'y en a que trois au monde. C'est Denis Collard, Jean-Luc Fonck et Robert Lafritte. Les Carolos comprendront. Bon. Exactement. Allez, c'est parti pour aujourd'hui. Une journée calme avec des nuages d'altitude sur l'ouest du pays. Des éclaircies dans la plupart des régions. On a aujourd'hui la perspective de 25 degrés sur le sud-est du pays. 22 à 23 dans le centre, 22 sur les hauteurs, 19 au littoral. Demain sera encore une belle journée avec certes pas mal de nuages, mais un temps sec et même peut-être un degré de plus qu'aujourd'hui. Par contre, la pluie arrive dans la nuit de samedi à dimanche. Dimanche matin, il pleut assez bien. Dimanche après-midi, on parlera d'averses et d'éclaircies, 17 à 21 degrés. Mais je vous rassure, dès mardi, on reviendra à un temps sec et à nouveau plus doux. Vous écoutez Viva, il est 9h. Et le journal présenté par Sébastien Pierret, bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Et donc Sébastien, le ciel qui s'assombrit très très fort ce matin au-dessus de Charleroi. Oui, on le sait, un conseil d'entreprise extraordinaire est en route depuis une demi-heure maintenant. Et d'après les dernières nouvelles, ces nouvelles ne sont pas bonnes du tout. L'usine Caterpillar de Gosselies devrait fermer ses portes. Cédric Loriot, vous êtes à Charleroi et est-ce que vous en savez plus à l'heure qu'il est? Écoutez, il y a deux minutes exactement, la nouvelle vient de tomber, elle vient de m'être confirmée. Mais l'usine de Caterpillar Belgium à Gosselies va fermer ses portes. Cette fois, c'est officiel. C'est une nouvelle que l'on redoutait depuis hier matin, depuis que l'on savait qu'il y avait ce conseil d'entreprise extraordinaire convoqué. Personne ne voulait imaginer ce scénario du pire pour la région de Charleroi. Cela représente quand même encore plus de 2200 emplois environ, Caterpillar. Je viens d'apprendre également que l'un des sous-traitants, Cediwa, l'un des sous-traitants de Caterpillar, va également fermer ses portes. C'est là aussi une septantaine d'emplois qui passe à la trappe. Le coup est évidemment très très dur. Le choc va se propager dans tout Charleroi, vous imaginez bien. On rappelle qu'il y a 3 ans, il y avait déjà eu d'énormes sacrifices dans la région avec un plan de restructuration qui avait vu 1400 postes disparaître au sein de l'usine Carolo. C'est vraiment des fleurons de l'industrie Carolo, là ici, qui disparaît. Caterpillar Belgium était implanté à Gosselies depuis plus de 50 ans. On avait fêté les 50 ans il y a quelques temps. Le coup est vraiment très dur, mais donc je vous le répète, la nouvelle est officielle. L'usine Caterpillar Belgium de Gosselies ferme donc ses portes. Merci Cédric. Cédric Loriot en duplex de Charleroi et ce scénario du pire donc qui se confirme à l'usine Caterpillar de Gosselies. Elle va fermer ses portes. Plus de 2000 emplois vont passer à la trappe, sans compter les sous-traitants. Le conseil d'entreprise extraordinaire est toujours en cours. Nous y reviendrons bien entendu très largement dans nos prochaines éditions. La semaine de travail de 4 jours, c'est irréaliste pour le Premier ministre Charles Michel. Il n'en veut pas. Pourtant, la Wallonie va offrir la possibilité à certains de ses fonctionnaires, ceux qui sont âgés de plus de 60 ans et qui exercent un métier pénible, de bénéficier de ce régime. Et à propos de métier pénible, justement, patrons et syndicats discutent en ce moment de la définition d'un métier lourd. Que faut-il prendre en compte? Les efforts physiques, les émotions qu'il faut parfois encaisser, l'agenda difficile à gérer ou encore les risques pour la santé. Le métier d'infirmière à domicile, eh bien, c'est un peu tout cela à la fois. Baptiste Dupin a suivi ce matin une infirmière à domicile dès le début de sa tournée. Je peux avoir l'autre pied ? Oui. Le soleil est à peine levé. Sabrina Jacobs, infirmière à domicile, fait les soins d'une dame de 86 ans. À 7 heures, ce n'est pas sa première patiente et le travail se poursuit généralement jusque 20 heures. Voilà, c'est une bonne journée. Pour les patients, le passage de l'infirmière est souvent le premier contact de la journée, comme l'explique Madame Michotte. J'aime bien aussi la présence de l'infirmière parce que c'est une visite. Autrement, on est seul. Je suis seule, j'ai perdu mon mari, pas longtemps que je suis ici. Des liens affectifs se nouent avec les patients. La vie d'infirmier à domicile comporte une charge émotionnelle forte, Sabrina Jacobs. On s'accroche à eux, quoi. Même si on devrait mettre une barrière, à domicile, c'est plus difficile, on s'accroche à eux. Soigner le patient, le porter parfois pour le déplacer, le métier réclame aussi de la force physique. C'est vrai que Plus on avance dans le métier, plus on sent que nos articulations commencent à souffrir. Malgré les difficultés, Sabrina Jacobs adore son métier, mais pour cette infirmière, la pénibilité du métier devrait être prise en compte dans la réforme des pensions. Un reportage de Baptiste Dupin et Jean-Marc Vierzet. La liste des métiers pénibles, elle est importante puisque ceux qui les exercent pourront partir plus tôt à la pension. Les Diables Rouges, oui, le sport, Diables Rouges, ouais, oui. Qui risquent de se faire remonter les bretelles ce matin à l'entraînement. Oui, le match d'hier soir face à l'Espagne est à oublier au plus vite. Des Diables transparents qui n'ont rien montré et au final, une défaite 0-2 et des sifflements du côté des supporters. Même le capitaine était débordé. Eden Hazard qui promet toutefois de se ressaisir pour la suite. J'essaie de faire le maximum pour aider la défense. Maintenant, c'est sûr que les gens ils attendent de moi que je sois devant, pas derrière. Même le coach me l'a dit à la mi-temps qu'il voulait plus me voir devant, mais bon voilà, j'ai essayé de faire comme on pouvait. Le peu de ballons que j'ai essayé d'en faire bon usage, ce qui n'a pas toujours été le cas. Donc voilà, c'est un match à oublier, mais voilà, on doit continuer à travailler. En 3 jours, voilà, il n'y a pas encore grand chose qui a changé. Je pense que voilà, on s'adapte à sa nouvelle méthode. Voilà, on a eu la chance déjà de jouer à Chypre il y a quelques temps. On va s'attendre à un match compliqué, à nous à mettre tous les ingrédients pour gagner ce match. Eden Hazard interrogé par Thierry Luters des Diables Rouges qui devront réagir très vite puisque le prochain rendez-vous c'est déjà mardi, un match qualificatif cette fois pour le Mondial 2018 face à Chypre. Et puis dans l'actualité, on en parlait tout à l'heure, la fête à Tintin, Spirou, Gaston Lagaffe, tout ce week-end à Bruxelles. C'est la fête de la bande dessinée, l'occasion de mettre les dessinateurs et les scénaristes de BD à l'honneur. Des métiers qui ont bien changé depuis l'âge d'or de la BD belge dans les années 60-70. Illustration avec ce portrait croisé, Hélène Maquet a rencontré Debume, un tout jeune auteur, et Derib, le dessinateur de Yakari notamment. Côte à côte, deux hommes. Que 50 années de carrière séparent. Ben moi, je suis Claude Derib, donc le dessinateur de Yakari, de Buddy Longway, de Joe, etc. 52 ans de métier. Debume, tout jeune auteur de BD, regarde le maître avec une pointe d'émotion. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, je lisais ses histoires à mon neveu et ma nièce, et là, je le rencontre. Ouais. Derib, ponte de la bande dessinée, a vu le métier évoluer. La grande différence, c'est qu'aujourd'hui, un jeune aura beaucoup plus de peine à vivre de ce métier, parce qu'à mon époque, quand on sortait un album, il y avait 500 nouveautés par an. Maintenant, il y en a 5500, et le public a peut-être doublé, mais pas beaucoup plus. Derib, qui dans les années 60 était entré dans l'atelier de Peyo, son maître, pour y participer aux albums des Schtroumpfs. Une pratique qui n'existe plus vraiment pour la génération de Debume. J'ai pas eu la chance de me former auprès d'auteurs confirmés. Aujourd'hui, Derib dit avoir confiance en ce tout jeune auteur et en sa motivation. Aujourd'hui, je suis encore plus motivé qu'il y a 52 ans. Donc je lui souhaite le même parcours, le même plaisir et le même impact. Voilà. Et le festival de la bande dessinée, c'est tout ce week-end dans le Parc Royal de Bruxelles, notamment. Avant d'aller sur les routes, je vous rappelle la principale information donc, qui est tombée quelques minutes seulement avant le début de ce journal. L'usine Caterpillar de Gosselies qui va fermer ses portes. Un conseil d'entreprise extraordinaire était convoqué à 8h30 ce matin et de sources syndicales, on confirme que la direction a décidé de fermer l'usine. Ça veut dire la suppression de plus de 2000 emplois. Le sous-traitant de Caterpillar, Cediwal, va également fermer. Nous y reviendrons plus longuement dans nos prochaines éditions. RTBF Mobile Info, Stéphane Piedbeuf, et c'est plutôt calme ce matin sur les routes. Bah oui, effectivement, Sébastien, on perd à peine 10 minutes sur le 411 en venant de Namur entre Jésus-Zeik et Léonard, un petit peu plus 20 minutes sur le 40 qui vient de Gand, où les ralentissements commencent à Affligem jusqu'à Ternat, et puis sur le ring de la capitale, là où on perd du temps, c'est entre Grand Bigard et Zaventem en circulation intérieure, 20 minutes supplémentaires, ailleurs on perd moins de 10 minutes, et puis dans Bruxelles, vous êtes ralenti du tunnel Porte de Halle au tunnel Porte de Namur, dans la liaison du tunnel Stéphanie vers la Basilique, ainsi que du tunnel Rogier au tunnel Arlois vers le midi. Rue, avenue, chaussée, boulevard. Vous avez le choix, comme chez Cora. Ou chez Cora. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Belle fin de semaine sur Vivacité, sur la Une, en télé, le débat de C'est vous qui le dites avec Benjamin Maréchal. Évidemment, priorité à l'actualité, on s'adapte et dans un instant vous pourrez commenter ce tsunami à Charleroi, la fermeture de Caterpillar Gosselies. Matin en direct sur Vivacité, l'actu et les grands débats de société. Benjamin Maréchal vous donne la parole au 070 233 466. C'est vous qui le dites. Trois débats sur la table et un seul à partir de 10h pour aller plus loin. Au 070-233-466, d'abord le tsunami, Caterpillar Gosselli ferme. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux travailleurs ce matin? Vous l'avez donc appris en temps réel dans le journal de 9h il y a quelques instants. C'est un monument du monde de l'entreprise à Charleroi qui meurt. On vient donc d'apprendre la fermeture de Caterpillar Gosselli, entreprise emblématique de la région. Ce matin, 2200 travailleurs apprennent que leur avenir devient noir, sombre. 2200 travailleurs, sans compter les sous-traitants et toute la vie économique qui s'est tissée autour de Caterpillar à Gosselli. Vous savez que Caterpillar avait déjà été touché, c'était il y a quelques années avec un premier plan. 1400 travailleurs avaient dû partir et quitter l'entreprise. On avait cru que Caterpillar Gosselli, avec les efforts, tiendrait, mais non. C'est ça que nous vous demandons et vous proposons de commenter ce matin. C'est le tsunami. Caterpillar Gosselli ferme. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux travailleurs ce matin? Le palais a-t-il eu raison de censurer l'image du petit prince Emmanuel en pleurs dans les bras du roi à l'entrée de son école? Sud Presse est fâché en tout cas. La une de Sud Presse en dit long sur l'amertume. Sire, un petit prince ne peut-il pas pleurer? Se demande le journal ce matin. Hier, pendant que Mathilde allait déposer sous l'œil des photographes invités Elisabeth, Gabriel et Éléonore à l'école Sint-Jans Bermans de Bruxelles, le roi, lui, est allé tout seul déposer le petit Emmanuel à l'école Eureka de Kesselo. Deux photos montrent le petit prince dans les bras de son papa en pleurs. Emmanuel pleure, le roi le console. C'est l'agence Belga qui aurait pris ces photos dans l'école avec porte ouverte, mais le palais a directement demandé que ces photos ne soient pas diffusées, parlant de sphère privée. Sud Presse parle d'une opportunité ratée, se montrer comme un père normal, rappelle que les photographes avaient été invités et constate qu'on ne parle pas de vie privée pour les images des enfants souriants. Quand c'est un enfant qui pleure, là il y a des mesures. Quand ce sont les enfants qui rigolent, on peut tout diffuser. La question pour vous ce matin, le palais a-t-il eu raison de censurer l'image du petit prince Emmanuel en pleurs dans les bras du roi à l'entrée de son école? Sud Presse est fâché. Et puis au 070-233-466, Belgique-Espagne 0-2. Hier, les diables ont-ils été nuls, comme semble le dire toute la presse ce matin? Si oui, pourquoi? Lisez donc la presse francophone de ce matin. Fiasco dans l'avenir, les diables ridicules dans la dernière heure, il y a du boulot dans Sud Presse ou encore Martinez le flop dans le soir. Plus de Mark Wilmots, hier on s'attendait au renouveau des diables, on attendait la patte Roberto Martinez et au minimum des diables reboostés. Eden Hazard résume tout. On les a laissés jouer, on les a regardés, voilà, on a été un peu spectateurs. Pourtant, on savait très bien ce qu'il fallait faire. Mais voilà, on n'a pas été tous ensemble. Ils ont eu beaucoup d'occasions, Thibaut il en a sauvé beaucoup. Et après, nous, quand on avait le ballon, on le perdait trop vite parce qu'il mettait la pression. Ouais, et comme le dit Roberto Martinez, quand t'as plus la maîtrise du ballon, tu cours. C'est la question pour vous ce matin. Belgique-Espagne 0-2. Hier, les diables ont-ils été nuls, comme semble le dire toute la presse ce matin? Si oui, pourquoi? Zoé Boss, le standard est ouvert. Elle est à côté de moi, mais pour l'instant, vous ne la voyez pas. Marion Jomotte est derrière le 070-233-466 et livre au SMS au 3063 50 cents par message. Si vous avez consulté notre page Facebook, ne vous étonnez pas, c'est vous qui dites s'adapte à l'actualité avec cette information de dernière minute. L'usine Caterpillar de Gosselli ferme ses portes. Autre débat ce matin, la photo censurée de la famille royale et la défaite des diables. Le débat, c'est vous qui le faites. Pour cette dernière de la semaine, Gaspard Grosjean, journaliste à Sud Presse, et François Heureux, chef d'édition à Vivacité Bruxelles, font et refont le débat dans C'est vous qui le dites. Gaspard et François, bonjour. Bonjour Benjamin. Bonjour. Premier débat sur la table, on s'attendait sans doute à une mauvaise nouvelle et tout le monde est pris de court ce matin puisque Caterpillar annonce la fermeture de son site Carolo. Caterpillar Gosselli est mort ce matin aux alentours de 9h, 2200 personnes sont touchées. Est-ce que vous aviez senti, François, quand on a appris ces dernières heures qu'un conseil d'entreprise extraordinaire était demandé et convoqué, est-ce que vous aviez senti qu'on parlerait d'une fermeture totale? C'est jamais bon évidemment, hein, un conseil d'entreprise extraordinaire comme ça convoqué un peu dans l'urgence, qu'on apprend la veille, les syndicats sont inquiets, ils n'ont pas d'informations. Ça, c'est jamais des bons signes, d'autant plus que la direction mondiale du Caterpillar avait annoncé d'ici 2018 10 000 suppressions d'emplois à travers le monde. On se doutait bien que la Belgique allait devoir payer son lot, comme les autres pays. Ils avaient déjà annoncé la fermeture d'une usine en Irlande hier. On se doutait bien. De là à annoncer une fermeture complète de l'usine de Gosselies, ça, non, on n'allait pas jusque-là. On pensait que certaines lignes allaient être transférées, que peut-être quelques centaines d'emplois allaient être perdus, mais de là à une fermeture complète, là, c'est quand même une très mauvaise surprise. Si vous avez l'habitude des fins d'entreprise, des faillites, si vous avez connu des situations similaires, la question ce matin pour vous est donc, qu'avez-vous à dire aux travailleurs ce matin? Est-ce que ça va être, Gaspard, très très dur à digérer? Parce qu'on sait qu'il y a 3 ans, 1400 personnes environ avaient dû partir, et on savait que c'était le prix à payer pour sauver cette usine. Et on avait la conviction qu'on avait sacrifié 1400 personnes pour un sauvetage. C'est pas le cas. On le pensait vraiment, puisqu'en plus de ces suppressions d'emplois, il y avait eu aussi un investissement massif de l'ordre de 150 millions d'euros à peu près, pour remettre vraiment l'usine aux normes et miser sur les produits à haute valeur ajoutée, ce qui fait la force aujourd'hui des industries en Europe occidentale, et visiblement ce n'est pas le cas. Moi, qu'est-ce que je constate, c'est que de la totalité des effectifs supprimés par ce groupe qui pèse quand même 40 milliards de dollars, eh ben, on a un quart, quasiment un quart, qui ont lieu ici en Wallonie, donc c'est carrément un drame social qu'on vit, qui évidemment, moi, me rappelle tout de suite le cas ArcelorMittal en région liégeoise. On est un peu dans le même moule ici. Ah, ce sont des marques et des entreprises emblématiques. Alors on va évidemment, dans le courant de la journée, d'abord découvrir le détail de cette fermeture, l'agenda aussi de cette fermeture, l'impact et les dommages collatéraux. Est-ce que c'est la Wallonie qui est touchée ce matin ou ce n'est que le pays Carolo? Non, c'est la Wallonie parce que il y a les 2000 ou les 2200 emplois de Caterpillar. Il y a tous les sous-traitants qui travaillent pour cette société qui vont aussi évidemment endurer le choc, devoir amortir le choc et qui vont peut-être devoir fermer aussi leurs usines. Hein. Rappelez-vous de Ford Genk, rappelez-vous de la Sabena, tous ces gens, toutes ces entreprises qui ont fermé dépendaient de PME, de petites entreprises qui les fournissaient pour certains détails techniques, pour certains services. Une fois que cette entreprise ferme, eh bien, ça veut dire tout un tissu économique qui est ébranlé. Donc aujourd'hui, oui, on peut dire que c'est toute la Wallonie qui souffre, bien sûr. Pour les grosses entreprises comme ça, la tape est toujours de dire à peu près qu'il y a 5 à 10 fois plus d'emplois indirects qui sont concernés. Donc c'est vraiment, effectivement, c'est toute la Wallonie qui souffre, et même au-delà, à mon avis, mais c'est une perte sociale majeure. Alors allons en Wallonie, à Mons. Philippe est en ligne, bonjour. Oui, bonjour Benjamin. Merci de nous rejoindre, c'est le tsunami Caterpillar-Gosselies qui ferme. Avant de nous dire ce que vous pouvez dire aux travailleurs ce matin, vous avez travaillé, vous, pour Caterpillar, combien de temps? Ben, j'ai travaillé 31 ans, ça faisait 3 ans que j'étais pensionné. Quand j'ai appris la nouvelle, j'en ai encore eu des frissons, c'est pas normal. C'est pas normal, et ce n'est pas que la Wallonie ni que les Carolos, c'est la Belgique entière, parce que n'oubliez pas aussi qu'il y a des dépôts à Zeebrugge. Philippe, on l'a appris, nous l'avons appris dans le journal de 9h, pratiquement en temps réel sur base de sources syndicales, et c'est maintenant confirmé. Oui, oui, oui, oui. Je sens votre voix tremblante, c'est lié à cette annonce. Ah oui, j'ai encore plein de copains qui travaillent là-bas, j'ai des amis qui travaillent encore là-bas, et maintenant eux, qu'est-ce qu'ils vont avoir? Qu'est-ce qu'ils vont avoir? On avait déjà les feuilles de forêt il y a 3 ans, 2400, on s'est dit, en plus j'ai vu un copain samedi au tournoi de football à Neuville, qui me dit ça va aller mal à Caterpillar, au mois d'octobre, on va encore licencier. Vous le sentiez ou pas, Philippe? Ça fait des heures qu'on dit qu'il y a un conseil d'entreprise. Vous le sentiez, vous? Ben nous, non, licencier vraiment, fermer l'usine, non, parce que nous, on a toujours cru qu'on allait faire une usine de montage là-bas. Parce qu'il y avait tellement de pièces qui venaient de l'étranger, on a fait tellement des étagères dans les bâtiments qu'on disait ce sera une ligne de montage. Et quand j'avais appris ça il y a la semaine passée, je me suis dit il va y avoir des licenciements, mais ils vont encore refaire une restructuration pour pouvoir faire une usine de montage. Mais pas fermer comme ça. Ça représente quasi 10 000 personnes en plus, hein. En Belgique. Qu'est-ce qu'ils doivent se dire ce matin, vos anciens collègues? Qu'est-ce qu'ils doivent se dire ce matin? J'espère qu'ils vont faire quelque chose, parce que c'est pas normal. C'est toujours, en plus, la région Wallonne a mis de l'argent. On va récupérer cet argent-là. C'est toujours la difficulté, hein. C'est la fermeture après investissement. Effectivement, ça fait partie des contraintes. Merci Philippe d'être venu vite à nous ce matin. Vous êtes un ancien de Caterpillar. Je termine rapidement autour de la table, messieurs. François, qu'est-ce qu'on peut dire aux travailleurs ce matin? Parce que c'est effectivement très compliqué. Il y a les agendas, il y a les primes, il y a le passé, le passif. Qu'est-ce qu'on peut dire aux travailleurs ce matin? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? On peut leur faire une grande claque dans le dos, essayer d'être à leur côté et espérer, parce que c'est tout ce que le gouvernement pourra faire, espérer qu'à travers des cellules de reclassement, ou d'autres pistes, on puisse leur retrouver autre chose, un autre boulot le plus rapidement possible. C'est tout ce qu'on peut espérer. Il faut activer évidemment toutes les cellules de formation, de reclassement. On peut entretenir un espoir? Est-ce qu'on peut donner une note d'espoir aux travailleurs ce matin, ou ce serait mentir et les leurrer? On ne va pas les mentir non plus. Si on annonce la fermeture d'une entreprise comme ça de but en blanc, on ne peut pas leur dire, mais il y a peut-être moyen que vous gardiez quand même un tiers temps chez Caterpillar. Enfin, non, il faut maintenant que les pouvoirs publics aussi prennent leurs responsabilités en mettant le plus possible à contribution l'entreprise qui a effectivement bénéficié d'investissements publics ou de soutien via des prêts de mécanismes publics importants. C'est la question pour vous ce matin. Donc le tsunami Caterpillar Gosselies ferme. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux travailleurs ce matin? Dans un instant, le deuxième débat sur la table. Le palais a-t-il eu raison de censurer des photos du petit Emmanuel qui pleure? Les diables ont-ils été ridicules, comme le dit toute la presse ce matin? Et puis 10h45, la question qui dérange, également liée à Charleroi, où les policiers n'ont plus le moral. Ils ont arrêté un homme avec un couteau de 32 cm qui a déjà reçu 14 avis d'expulsion et ils l'ont relâché. Mais pourquoi n'ont-ils pas trouvé une astuce pour mettre cet homme en prison? 32 cm. C'est vous qui le dites, vous donne la parole. En direct, au 070 233 466. Par SMS, 3063, 50 centimes par message. Profitez avec l'option smartphone de vous du Samsung Galaxy S7 Edge à 199€. Vincent, pince-moi, je crois que je rêve. Aïe! Non, c'est toujours pas mieux là. Renverse-moi ce seau d'eau sur la tête. Oh, c'est froid ça! Alors, prends cette batte là et vas-y, frappe-moi vraiment, vas-y. Ah, non, ah bah c'est que je dois peut-être pas rêver alors. Les smartphones de vous, hier dans vos rêves, aujourd'hui dans votre poche. Avec un des forfaits Voomobile, profitez de notre gamme de smartphones à prix de rêve, disponible sur voomobile.be. Il est temps de penser à Voomobile. Offre soumise à condition. Waouh! Vous avez entendu ça? C'est le bruit des journées colossales de Colishop, avec des réductions écrasantes jusqu'à moins 50% sur les armoires, les valises et une foule d'autres articles. Rendez-vous vite sur colishop.be. Vivacité et la 2 présente Michel Polnareff en concert. Tous les grands classiques de son répertoire exceptionnel. Le vendredi 18 novembre à Forêt Nationale. Réservation 0900 84 900, 50 centimes la minute et sur next-step.be. Dis papa, c'est quoi un transfert de compétences? Oula, c'est comme au foot. Tu vois les transferts de joueurs, eh bien imagine qu'un joueur s'appelle justement compétences. Et paf, on le transfère. C'est le transfert de compétences. Elle est bien celle-là, je l'ai notée. Comprendre l'actu, c'est plus simple avec le JDE. Le seul journal d'actualité pour les 9-13 ans. Avec version numérique offerte. Conditions spéciales sur le JDE.be. On m'avait dit, toi, tu auras tout, gloire, fortune et amour. Enfin, revenons sur Terre. Maintenant, je veux maîtriser un métier et être capable de gérer mon entreprise. Jusque fin octobre, inscrivez-vous dans une des 70 formations proposées par l'EFP. EFP, formateur de talent. Avec le soutien du service public francophone bruxellois et du Fonds social européen. Info, efp-bxl.be. À Bruxelles, vous entendez parler de nombreuses langues. Hi. Guten Tag. Hola. Bonjour. Dans les situations les plus diverses. Hey. Oh yeah. Alors. Hey. Au Bruxelles Education Center, trouvez le cours de langue qui vous convient le mieux. Super. Super. Super. Super. Bruxelles Education Center, des langues sans frontières. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. On commente l'actualité avec vous, bien sûr, en fonction de vos appels, un débat dans la deuxième partie, avec François Heureux, journaliste Vivacité, avec Gaspard Grosjean, journal La Meuse. Deuxième débat donc sur la table, le palais a-t-il eu raison de censurer l'image du petit prince Emmanuel en pleurs dans les bras du roi? Sud Presse est très fâché. Alors c'est le hasard des agendas, mais vous faites partie du groupe Sud Presse, Gaspard. Je résume rapidement ce qui s'est passé hier. La presse est invitée pour prendre des photos des petits princes qui rentrent à l'école. Le roi est tout seul avec le prince Emmanuel. Et il y a cette photo, ces deux photos où Emmanuel pleure dans les bras de son papa. Ces photos allaient être diffusées quand tout d'un coup le palais a commencé à appeler tout le monde pour dire ne les diffusez pas. Votre journal est fâché, Gaspard. Mon journal est fâché, effectivement. Et je pense qu'au-delà du fait que mon journal soit fâché, il y a vraiment une problématique, même dans la démarche du palais, parce que pour moi, là, on peut évoquer le terme clairement de censure. Mais ils disent que c'est de l'ordre de l'intime et de la vie privée. Un enfant qui pleure dans les bras de son papa. Un enfant qui pleure dans les bras de son papa, c'est une scène qu'on a vécue probablement des centaines, peut-être des milliers de fois hier lors de la rentrée scolaire. Et justement, c'est un enfant et son... On ne parle pas ici du roi et du prince, quelque part. C'est un enfant et son papa. Alors, moi, je veux bien que le Palais soit le premier à diffuser le matin même une photo choisie par, par ses soins sur les réseaux sociaux, hein, et avec une portée énormissime. Mmh. Donc, quand le Palais décide de ce qu'on peut diffuser, la presse peut le reprendre, et quand ça ne les arrange pas trop, alors on met une censure. Donc, ça ne va pas, ça. Est-ce que cette photo était importante et utile, François ? C'est un petit garçon qui pleure dans les bras de son papa, et l'opportunité était de montrer un Palais Royal plus humain. Est-ce que cette photo était utile ? Alors, tout d'abord dire que personnellement, moi je n'aimerais pas qu'on diffuse, mais je ne suis pas le roi, mais je n'aimerais pas qu'on diffuse une photo de moi avec mon fils qui pleure parce que c'est parce qu'il craque un peu pour le premier jour de sa rentrée, il a un peu peur, etc. C'est pas arrivé, mais voilà, je n'aimerais pas. Sauf que c'est une personnalité publique. C'est une personnalité publique qui a invité les photographes pour la rentrée. Alors, soit on décide, soit on est cohérent, soit on décide de n'inviter personne et de dire à la presse, écoutez, nous on fait notre rentrée de manière intime. Mmh. Et après, on peut râler en disant, mais enfin, vous diffusez des photos, on ne vous a pas permis de les diffuser, qu'est-ce que c'est cette histoire, c'est intime. Soit on invite la presse et on invite les photographes et on assume si, jusqu'au à bout. Un moment, il y a des prises de vue qui ne nous plaisent pas forcément. Maintenant, est-ce que c'est utile ou pas ? De toute façon, on la voit. Donc, ah oui, Sud-Presse l'a dessiné ce matin. L'interdiction du Palais, elle tombe complètement à plat, puisque Sud-Presse est passé au-delà en publiant le dessin. Donc tout le monde est au courant, et à la limite, il ne l'aurait pas interdite, elle aurait fait beaucoup moins de bruit, on l'aurait moins elle vu. Elle aurait fait beaucoup moins de bruit. On n'aurait peut-être pas parlé ce matin. Voilà, donc je pense que l'interdiction est très maladroite. Ça, c'est sûr. Alors vous êtes mal placé, Gaspard, parce que vous êtes juge et parti ce matin. On va faire comme si vous étiez d'un autre groupe de presse. Il y a ce petit point de polémique. Donc la photo est prise à l'intérieur de l'école. Mais la porte de l'école est ouverte. Donc, est-ce qu'on est à l'intérieur dans le domaine privé ou parce que la porte est ouverte, on est dans le domaine public ? Il y a un petit point de friction, là. Il y a un petit point de friction. Moi, je constate que c'est une photo qui a été prise de la rue, d'un endroit où tout le monde, entre guillemets, c'est toujours ça un peu qu'on prend comme référence. Quel point de vue le quidam qui se promène dans la rue peut avoir ? Il aurait pu voir ça à tout moment s'il passait par là. On voit que, en tout cas, moi, pour avoir vu la photo, effectivement, la scène, il y a pas mal de personnes autour de cette scène qui l'ont vu. Mmh. Alors voilà. Alors après, de l'opportunité ou pas de traiter, je pense qu'un journal plus populaire, les journaux plus populaires qui s'intéressent à la rentrée scolaire de la famille royale, je pense qu'il n'y a rien de mal à ça, que du contraire. Mais je pense que le Palais Royal doit vraiment, à un moment donné, assumer ses démarches et laisser un petit peu la presse libre. Il n'y avait rien de mal. On se plaint toujours que ceux qui ont des fonctions un peu plus supérieures, sont plus froids, un peu plus déconnectés. Et là, on avait une simple image d'un père et son fils. Il n'y avait pas de quoi fouetter un chat, et c'est très maladroit de leur part. Si on part du principe qu'il ne faut pas prendre cette photo ou la diffuser, François, cette photo, elle est grave pour qui ? Pour le roi ou pour le petit Emmanuel ? Qui est vraiment impacté ? Pour le petit Emmanuel, oui, à mon avis, le roi, lui, il console son fils comme n'importe quel père le ferait. Son image n'en pâtit pas, c'est juste peut-être Emmanuel voilà, qui pourrait éventuellement... C'est peut-être d'ailleurs lui hein, qui est à la base de l'interdiction, on n'en sait pas, on ne sait pas, on ne connaît pas les coulisses. Hein. Qui a dit à un moment à la communication du palais, non, il faut dire à la presse qu'on ne diffuse pas cette photo. Est-ce que c'est le roi, est-ce que c'est le prince, est-ce que c'est quelqu'un d'autre ? On n'en sait rien. Pour moi, c'est plus Emmanuel que Philippe qui en pâtit en tout cas. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas Emmanuel qui a appelé la presse hier, hein, c'est le service presse. On va demander un avis à Jean Blou. Souad est en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur. Souad, est-ce que le palais a eu raison de censurer l'image du petit prince Emmanuel en pleurs dans les bras du roi à l'entrée de son école ? Parce que Sud-Presse est fâché. Mais non, c'est normal qu'un enfant il pleure dans les bras de son père. Je ne vois pas que cette photo... Mais donc exagère, non ? C'est une photo banale. C'est très jolie photo. Moi, sa place, je l'ai, cette photo, c'est très jolie. Moi, j'adore un enfant qui pleure dans le bras de son père parce que je vois, c'est normal. Ici, on ne voit pas le roi qui a ramené le prince. Non, on voit le père qui a ramené son enfant, ni moi ni plus. Mais il y a ce moment et cette discussion sur le respect de la vie privée. C'est un moment intime quand le prince pleure dans les bras de son papa à l'intérieur de l'école. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de l'ordre de l'intime là-dedans ? Mais non, c'est rien du tout. Moi, je vois, c'est normal. Cette photo, vous avez envie de la voir ? Mais si, avec plaisir. Et je serais très content. Mais alors vous me dites je suis content que le roi, il prend soin de ses enfants aussi. Et parce qu'il montre à le peuple qu'elle aime ses enfants comme elle aime son peuple. C'est n'importe quel enfant qui est dans les bras de son père. Alors on voit le roi, c'est un père, c'est pas un roi. Sauf que le roi, on va dire le roi, c'est peut-être le palais, mais le roi dit et appelle la presse en disant cette photo qui a été prise, ces deux photos, vous ne les diffusez pas, vous les mettez à la poubelle. Comment vous trouvez cette attitude ? Non. Au contraire, moi j'ai gardé cette photo avec plaisir.

C'est vous qui le dites. Troisième débat sur la table avec vous, avec Gaspard Grosjean, la Meuse, avec François Heureux, Vivacité et Vivacité.be. Troisième débat autour des Diables Rouges. Et nous verrons si cette conversation s'impose dans la deuxième partie. Hier, Belgique-Espagne 0-2. C'est le premier match sous l'ère Roberto Martinez, le premier match après Marc Wilmots. Et on s'attendait hier à quelque chose. Si pas une patte, au moins un peu d'enthousiasme. La presse est unanime ce matin et même très sévère. Ridicule, lit-on. Flop. On s'attendait à plus. Ridicule. Il y a du boulot, etc., etc. Est-ce que les Diables, François, hier, ont été ridicules et dans le résultat, et dans l'attitude, et dans la manière d'aborder l'ensemble? Alors, dans le résultat, 0-2 contre l'Espagne, bon, c'est l'Espagne, hein, voilà, donc c'est pas non plus une petite équipe. Maintenant, c'est surtout dans la manière. Je pense que s'ils s'étaient battus, s'ils avaient montré qu'ils avaient envie de jouer, qu'ils avaient envie de courir, qu'ils avaient envie de jouer ensemble, on n'aurait pas été aussi sévère ce matin. Mais c'est vrai qu'ils ont été nuls. Bon, ridicule, ça, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas, nul, c'est sûr. On n'a pas senti d'envie dans cette équipe. Alors qu'ils doivent quand même se racheter par rapport à une grande déception, par rapport à l'élimination en quart face au Pays de Galles. Ils ont une opportunité de revenir un peu dans les cœurs des supporters, de montrer que c'est un accident de parcours et qu'ils sont toujours là, non. Là, on a vu... Un quart d'équipe, pas plus. Je suis très honnête avec vous, ce matin sur une radio concurrente, en arrivant, j'entends un supporter commenter avec cette métaphore-là. Quand j'ai un nouveau patron, je veux montrer à mon nouveau patron ce que je vaux. Eh bien hier, est-ce que les Diables ont fait un pied de nez à leur nouveau patron, Roberto Martinez? Ah ben c'était du je m'en foutisme. Ah vous allez jusque là? Ah oui, c'est du je m'en foutisme. Alors à un moment donné, il faut arrêter de rire. Hein. J'ai un collègue ici de l'Avenir sur Liège qui disait à un moment donné que c'est quoi cette mentalité où on nous fait perdre notre temps, notre argent et même notre envie de les supporter, parce que c'est ça là qui est en jeu. À force, à un moment donné, de croire qu'on est arrivé sur le toit du monde alors qu'on a quand même pas montré grand chose, en tout cas je me base sur le dernier Euro. Mais c'est quoi leur problème? Il faut un peu se remettre en question. Parce que Roberto Martinez parle de mentalité depuis le début. Pour y gâter, qui gagne des sommes complètement inconsidérées. Alors on ne va pas refaire ce vieux débat-là. Mais c'est le cas aussi dans beaucoup d'autres équipes nationales. Voilà. Donc il y a un problème de mentalité ici, visiblement. Est-ce que ça passe au second plan? Parce qu'il y a des Nazars, il est franc, il dit tout. On a laissé jouer les Espagnols, on était spectateurs, on n'a pas été tous ensemble, on savait pourtant quoi faire, on perdait le ballon trop vite, il mettait la pression. J'ai entendu ces phrases-là après le Pays de Galles aussi. Je les ai entendues. Et rien ne change. Donc il radote en boucle la même chose. Alors, ça fait des années qu'on dit qu'on a la meilleure génération depuis au moins un quart de siècle pour cette équipe nationale, mais qu'il faut leur laisser encore un peu de temps. Pourquoi est-ce que ça ne prend pas? Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? On a beaucoup accusé Wilmots en disant Wilmots est nul en stratégie, il aligne des joueurs qui ne savent pas jouer ensemble, il ne les met pas aux bonnes places, etc. Visiblement, on change Wilmots, mais c'est toujours pas gagné. Donc, je ne sais pas où est le problème. Un avis à Zaventem. Gérard, bonjour. Oui, bonjour Benjamin. Hier, les Diables ont été ridicules, comme semble le dire toute la presse ce matin. Oui, je me demande si le prince Emmanuel la photo, si c'est réellement à l'école qu'elle a été prise ou bien à la sortie du match du Hesel, parce que hier, j'ai été au bal des Starlettes. Tous ces joueurs de notre équipe nationale n'en ont rien, mais rien à foutre. Vous étiez au stade? Du foot. Oui, j'étais au stade et j'ai regardé l'heure qui passe en me disant « Allez, plus que 25 minutes et on rentre à la maison ». Je vais dire, c'était du grand n'importe quoi. Je vais dire, ces joueurs, je trouve qu'il y a un problème de salaire. Ces gens n'ont pas envie de mouiller le maillot pour l'équipe belge. Quand même pendant les 20 premières? Parce qu'on a dit que ça avait quand même un peu démarré, qu'il y avait eu 20 minutes. Je ne sais pas, bien, je ne connais rien au football, mais j'ai quand même joué quelques années et on n'a rien vu du tout. Pourquoi? Parce que c'était l'après Wilmots, c'était Roberto Martinez, c'était Thierry Henry qui vient pour le symbole. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Il ne s'est rien passé du tout. Le problème, c'est que ces gars montent sur un terrain de football comme s'ils vont travailler et qu'ils n'ont plus cette envie de jouer. Et hier, c'était « Allez, je dois tenir 90 minutes et je cours de temps en temps à gauche, je cours de temps en temps à droite. On aurait mis... Luxembourg, je pense qu'on aurait été battu, ou Liechtenstein aurait été battu. Et pourquoi vous dites pas c'est parce que c'était un amical et qu'ils ne sont pas motivés sur l'amical, mais mardi contre Chypre, qualification Coupe du Monde 2018, là ils vont mettre la patate. Je suis d'accord, mais je pense quand même qu'ils doivent être motivés si c'est un amical. Il y a quand même des gens qui ont payé leur place pour aller au stade. Il y a quand même tout un pays qui est derrière en train de regarder le football et tout. Donc ils doivent quand même, ce sont des professionnels qui touchent quand même des salaires ailleurs importants. Donc je pense simplement, je crois qu'ils n'ont pas envie de jouer pour cette équipe nationale. Il paraît que le stade était à moitié vide hier, vrai ou pas vrai? Non, pas à moitié vide. Non, c'était pas à moitié vide. Là, je ne suis pas d'accord. Ah, vous voyez, il faut pour pas lire terrain, tout ce qui... C'était à moitié vide. Là, il y avait une équipe qui jouait. Il y avait une équipe qui ne jouait pas. Ça, c'est clair. Donc, faut pas croire tout ce qu'on lit dans la presse. Mais hier, en même temps, c'était jour de rentrée des classes. Hein, donc, la date, c'était aussi un peu particulière. Gérard, vous avez vu le bal des Starlets hier. Je termine autour de la table. Gaspard, ici, c'est parce que c'était amical, mais que mardi contre Chypre. Ah non, ça c'est vraiment quelque chose que je ne peux pas entendre, parce que je rappelle que pour l'Espagne aussi, déjà, c'est amical, hein, il n'y a pas que pour la Belgique. Oui. L'Espagne a changé de sélectionneur et l'Espagne a renouvelé les trois quarts de son équipe par rapport au dernier match de l'Euro. Donc, ils avaient peut-être encore plus de retard, entre guillemets, par rapport à nous dans la reconstruction de leur équipe, hein, puisqu'ils sortent aussi hein, d'un échec cuisant, il ne faut pas l'oublier non plus. Et voilà, la différence, elle est là, on va gagner 0-2 en Belgique, qui est la deuxième nation mondiale, chez elle, à Bruxelles. Mmh. Ça se passe de commentaires. Rapidement, François, donc maintenant on a la pression. Si on ne gagne pas mardi, alors c'est la cata. Ah bah oui, la pression, on l'a depuis la fin de l'Euro. Hein, on l'a, je le redis, depuis qu'on dit que cette génération va nous apporter les plus beaux trophées, etc. Chaque fois, on est un peu plus déçu. On se demande quand elle va démarrer. Gaspard Grosjean, François Heureux. Bonne journée, messieurs. Bonne journée. Bonne journée. C'est vous qui le dites au 070 233 466 et par SMS 3063. 50 centimes par message. Nos trois débats ce matin. D'abord le tsunami, Caterpillar Gosselies qui ferme. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux travailleurs ce matin? On l'a appris dans le journal de 9h, la fermeture de ce site emblématique, plus de 2000 travailleurs. Ensuite, le palais a-t-il eu raison de censurer l'image du petit prince Emmanuel en pleurs dans les bras du roi à l'entrée de son école? Sud Presse est très fâché. Et puis Belgique-Espagne 0-2. Hier, les diables ont-ils été ridicules, comme semble le dire la presse ce matin? Si oui, pourquoi? 070-233-466 par SMS au 3063. En ligne à Charles Le Roy. Delphine, bonjour. Bonjour. Et vous souhaitez aller plus loin sur la fermeture, la mort de Caterpillar Gosselies. Votre mari y travaille? Oui. Depuis combien de temps? Ça fait 16 ans maintenant. Vous avez appris la nouvelle quand, Delphine? Ben à 9h, en ouvrant RTBF1, donc la une sur vos antennes, quoi. Donc tout de suite, je lui ai téléphoné pour savoir. Parce qu'effectivement, hier, il avait dit qu'il y avait un conseil d'entreprise extraordinaire et qu'ils avaient fermé une usine en Suisse. Et, qu'est-ce qu'il a dit? Et donc, il m'a confirmé les infos. Il est dans quel état, votre mari, ce matin? Ben, ils sont tous choqués, tous, autant qu'ils sont. Il a les infos au fur et à mesure aussi. Il ne s'y attendait pas, vous non plus? Il ne s'attendait pas à ça. Et vous? Ben, moi non plus. Moi non plus, parce qu'ils ont eu un audit extraordinaire, comme toutes les usines Caterpillar d'Europe, la semaine passée. Donc toute la semaine, il y a des Américains qui sont venus passer l'usine au peigne fin, et ils n'ont eu aucune non-conformité majeure, alors que d'autres usines en France et en Suisse notamment ont eu des non-conformités majeures, donc des gros points qui n'allaient pas. À Gosselies, il n'y avait rien de tout ça, c'était juste des petits trucs mineurs. Il semblerait que tous les volumes fabriqués et produits à Gosselies soient loués à d'autres centres de production, notamment Grenoble et ailleurs dans le monde. Nos envoyés spéciaux sur place nous signalent que pour l'instant la situation est en train de dégénérer à Gosselies, avec des bulldozers dont le personnel se serait emparé. C'est ça, mon mari me l'a confirmé aussi. Oui. Mon mari me l'a confirmé. Qu'est-ce qu'il vous dit? Ça veut dire quoi, dégénérer? Apparemment, ils ont foncé au bulldozer dans les portes d'entrée ou dans les entrées des parkings. Donc oui, non, ça dégénère et ils ont demandé aux employés, aux ouvriers d'être calmes jusqu'à la fin de la procédure et de faire leur travail convenablement. Mais à Gosselies, ça ne se fera pas comme ça. Ça ne se fera pas comme ça. Ils se sont battus il y a 2 ans pour éviter un licenciement collectif. On leur a promis qu'on maintenait le site parce qu'il était hyper productif et on leur a demandé de faire des heures et des heures et des heures. Quel est le travail précis de votre mari, Delphine? En fait, moi, mon mari, il a fait quasiment tous les postes. Il a commencé du bas de l'échelle et maintenant, il est employé. On garde, si vous le permettez, votre numéro de téléphone à proximité pour avoir un œil sur ce qui se passe donc à l'intérieur du site, Delphine. Merci d'être venue ce matin. Et vous voyez que nous sommes sur le même pied, parce que tout le monde l'a appris. Vous, bien sûr, les principaux concernés ce matin dans le journal de 9h et nous aussi. On verra si c'est cette conversation-là qui s'impose dans la deuxième partie. Allons maintenant sur les routes. RTBF Mobile Info, Stéphane. On perd moins de 5 minutes maintenant pour accéder à Bruxelles sur la plupart des axes qui convergent vers la capitale. Et puis sur le ring, une dizaine de minutes supplémentaires sont nécessaires entre Grand Bigard et Zaventem en circulation intérieure. Et on ralentit également entre Grand Bigard et Zaventem. Oui, bah c'est ça, en circulation intérieure et dans les tunnels bruxellois. À part ça, pas grand chose à vous raconter sur la route. La circulation est fluide, profitez-en. Rue, avenue, chaussée, boulevard. Vous avez le choix, comme chez Cora. Ou chez Cora. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et dans un instant, à Monceau sur Sambre, c'est Dany qui viendra nous dire si nos diables sont ridicules. Vivacité présente les Showcase Joker Plus du beau vélo de Ravel. Hola, c'est Paula de la Negra Albina. Venez le samedi 3 de septembre nous rejoindre à Perruet pour faire la fête lors des beaux vélos de Ravel. Nous partagerons la scène avec les Charlots. Hasta pronto. Le Showcase Joker Plus du beau vélo de Ravel, ce samedi 3 septembre à Perruet. Un événement gratuit et accessible à tous. Joker Plus, chaque jour est un jour de chance. En ce moment, chez Colruyt, c'est le festival des extras. Avec énormément de réductions extras sur les grandes marques, en plus des meilleurs prix. Profitez-en jusqu'au 6 septembre. Colruyt, votre garantie des meilleurs prix. Vivacité et la 2 présente l'AG Insurance Memorial Van Damme le vendredi 9 septembre au Stade Roi-Baudouin. Le plus beau meeting d'athlétisme au monde fête ses 40 ans avec les meilleurs athlètes des Jeux Olympiques, un feu d'artifice et un concert pétillant pour clôturer la soirée. Plus d'infos sur aginsurancememorialvandamme.be. Pour bien commencer la saison de sport, vous trouverez tout ce qu'il vous faut chez Decathlon et sur decathlon.be. Maman, cette année, j'ai envie de faire autre chose. Ah, et qu'est-ce que tu veux faire, ma chérie? Gymnastique, danse, natation, équitation? Non, du rugby. Pour eux et pour tous les autres sportifs, maintenant le sport est plus facile. Decathlon, à fond la forme. La région de Bruxelles Capitale, Viva Bruxelles et la Une présente la fête de la BD. Mais oui, fête de la BD. Cette année, le Québec est notre invité d'honneur. Et nous fêterons les 70 ans des éditions du Lombard avec le rallye du journal Tintin, le festival BD, les visites guidées et la grande parade du Balloons Day. Fête de la BD, Parc de Bruxelles du 2 au 4 septembre. Avec la ville de Bruxelles et le soir. Commencez l'année scolaire du bon pied chez Shoe Discount. En ce moment, plein de prix super bas. Rendez-vous vite chez Shoe Discount ou sur shoediscount.be. L'ouverture de la saison de l'OPRL. Au programme, l'imposante symphonie Titan de Mahler et Thomas Zehetmeyer en invité dans Bartok. Le 22 septembre à Bruxelles et le 23 à Liège. Ne manquez pas l'ouverture de la saison de l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège. Info ticket 04 224 x 0 ou OPRL.be avec Vivacité. Et au 070-233-466 sur la table, Zoé, le palais a-t-il eu raison de censurer l'image du petit prince Emmanuel en pleurs dans les bras du roi à l'entrée de son école? Sud Presse est très fâché. À ce propos, j'ai eu Valérie de la Bruyère. Le palais a eu raison, m'a-t-elle dit. Quel enfant voudrait se retrouver en une des journaux en train de pleurer le jour de la rentrée? Aucun. C'est une question de bon sens. La rentrée, c'est déjà assez difficile pour les tout-petits. Il y a le nouvel environnement, les nouveaux copains. Rappelez-vous le stress que vous subissiez lors de votre premier jour à l'école. Personne n'aime ça et tout le monde verse une petite larmes. La réaction du roi Philippe est tout à fait normale. C'est celle d'un père attristé de devoir laisser, de devoir se séparer de son enfant. Celle d'un papa qui défend son petit, m'a-t-elle dit. Monceau sur Sambre, Dany, bonjour. Oui, bonjour. Les Diables Rouges, 0-2 face à l'Espagne. Est-ce qu'ils ont été ridicules, comme semble le dire toute la presse ce matin? Non, bien sûr, dans l'ensemble du match, ça peut sembler ridicule, mais il ne faut surtout pas oublier qu'on vient de changer d'entraîneur au sort d'un Euro. On a été sorti par une équipe qu'on avait rencontrée 5 fois en 4 ans. Bien sûr que tout n'a pas été bon, mais c'est le premier match de Martinez. Attendez, je vous dis les attentes. Oui. On s'attendait à une patte Martinez, bon, on l'a pas vue. On s'attendait à comprendre ce qu'elle serait, mais on l'a pas vue. Il faut aussi laisser, je pense, en place, le temps que ça se mette en place la nouvelle tactique, les nouveaux principes. Il faut qu'ils connaissent les joueurs. C'est du football. Bien sûr, Marc Wilmot a très bien travaillé pendant 2 ans. Malheureusement, par après, il y a eu des petits défauts qui sont allés constater à l'Euro ou dans d'autres moments pendant les qualifications. Mais pourquoi cette impression que les Diables ne se sont pas engagés? Pourquoi cette impression qu'ils n'avaient pas la mentalité, qu'ils n'avaient pas la gagne, qu'ils n'avaient pas envie de faire honneur ni au pays, ni à eux-mêmes, ni à l'entraîneur? Je pense que mardi, nous jouons un match qualificatif à Chypre. Je me suis rendu l'année passée, je peux vous dire que 40 degrés dans le stade sur une île comme celle de Chypre, c'est difficile même pour le supporter qui va chanter, qui va supporter son équipe. Ils se sont économisés. Voilà, il y a ça, il y a la préparation. Il ne faut pas oublier qu'on a quand même 2 ans de qualification. L'entraîneur, il vient de signer. Il faut lui laisser le temps. Mais il y avait une demande, voilà, de ne pas le faire à l'économie. Il y avait une demande de voir quelque chose, parce que les symboles sont importants, et c'était le renouveau hier. Maintenant, je suis d'accord avec les gens. Ok, oui, vous voulez voir du spectacle. Donc, ça veut dire qu'on va rencontrer en amical les Pays-Bas, l'Espagne, ou que sais-je, quelle autre nation, c'est bien, on va gagner. Gagnons tous ces matchs-là. Et puis ne gagnons pas contre Chypre ou allons faire un match nul à Chypre. Allons faire un match nul en Bosnie. Prenons-nous une défaite comme il y a deux ans, enfin comme l'année passée contre le Pays de Galles. Au Pays de Galles, après avoir gagné contre la France 1-4, enfin 3-4, je suis dans des changements, mais c'était 1-4 à la 85e minute. Non, je suis pas d'accord. Je préfère m'entraîner contre des grosses nations, naturellement, mais gagner les matchs qui nous qualifieront pour la Coupe du Monde. Et alors, mardi, l'objectif de la Belgique pour la Coupe du Monde, c'est une demi-finale quand même. Mardi, on gagne ou on est toujours en rodage? Pour moi, ici, pour l'instant, c'est pas possible de juger quelqu'un qui a pris une équipe, qui a signé un contrat mi-août, et qui a déjà un match le 1er septembre contre l'Espagne, qui est quand même une des plus grandes nations du football. Je ne veux pas oublier qu'ils ont quand même gagné 2-0 une Coupe du Monde. C'est pas rien, ils jouent tous à Barcelone, au Real de Madrid. Ah, mais je vous dis ce que j'ai entendu tout à l'heure, moi. C'est un amical pour eux aussi, et nous, on en a qui jouent en Angleterre, dans un championnat costaud. On verra, Dany, si tout le monde partage votre analyse clémente sur les Diables Rouges. Nous sommes maintenant à 8 km de Namur. René, où êtes-vous exactement? Je suis à Dave, D-A-V-E. Bien sûr, région namuroise. Vous êtes là pour commenter l'appel du palais. Le palais a-t-il eu raison de censurer l'image du petit prince Emmanuel en pleurs dans les bras du roi à l'entrée de son école? Oui, je trouve ça même très bien de l'avoir fait. Pourquoi? Je suis un enfant dyslexique et moi-même, j'ai eu des problèmes, comme le petit Emmanuel, même. Qui va dans une école spécialisée, hein. C'est l'école Eureka à Kesselo, parce qu'il a des problèmes de dyslexie, oui. Oui, dyslexique. Moi, j'étais dyslexique profond, phonétiquement. Sauf que hier, le palais a invité toute la presse. Et donc, les photos où ça sourit, on peut. Les photos où on a les rumains en consolant son fils, on peut pas. C'est deux poids, deux mesures. Non, monsieur, on ne croit ça. Mais seulement, le problème, c'est que le petit prince est un petit être humain, un adolescent, un futur adolescent, je dirais même plus, et tout peut le blesser. Tout peut le blesser et tout peut être profit. Ça aurait fait quoi si la photo était sortie dans la presse? Ça aurait fait quoi? Provoqué quoi? Généré quoi? Ça aurait généré des chagrins pour le petit prince en voyant pleurer, et ça aurait fait du mal à... Ça aurait fait du mal au petit prince et les autres enfants, ainsi que d'autres personnes, se seraient attaqués directement à cette photo-là. Vous n'avez pas envie de voir le roi comme un papa très humain, comme n'importe quel papa hier matin dans la cour? Vous n'avez pas envie de le voir humain? Le roi est humain. Pourquoi? Parce que je l'ai connu il y a bien longtemps de ça, en soignant le roi Baudouin. Mais il n'était pas encore papa à l'époque, hein? Non, c'était son oncle, mais... Je les connais parfaitement, je connais bien les personnes, les humains, tels si son roi, premier ministre et tout ça. Mais donc vous ne vouliez pas le voir en photo humain, alors que d'autres auraient voulu le voir en photo humain. Souad, par exemple, tout à l'heure. On verra si cette conversation s'impose dans la deuxième partie. Merci René. On marque une nouvelle pause et dans un instant à Perouet, Patrick, un ancien de Caterpillar, viendra nous dire ce qu'il faut dire aux travailleurs ce matin. Le tsunami Caterpillar-Gosselies ferme. Vous avez entendu cet énorme bruit? Ce sont les journées colossales chez Colishop. Des réductions jusqu'à moins 50% sur le matériel de fitness, l'électro et une foule d'autres articles. Rendez-vous vite sur colishop.be. Ma copine Maya, parfois elle a carrément pas 10 heures. Alors je lui passe mes raisins secs. Oui, mais pas tout, hein. Partagez, c'est inné. À l'avenir, nos journalistes partagent avec vous plus que de l'info. Ils donnent du sens à l'actualité. L'avenir. L'avenir est au contenu. Abonnez-vous maintenant et économisez jusqu'à 230€ sur l'avenir.net/rentrée. Vivacité La Une présente, ces 10 et 11 septembre, les 28e journées du patrimoine. Vivez un voyage à travers les religions et les philosophies. Une expérience gratuite, ludique et didactique à vivre dans toute la Wallonie. Info, journeedupatrimoine.be ou téléchargez notre application. Une initiative de l'Institut du patrimoine wallon. Tu as fui ton pays. Après des années de guerre, ton retard scolaire te paraît insurmontable. Au Liban, 250 000 enfants réfugiés syriens sont privés d'école. Grâce à un soutien scolaire, une nouvelle vie peut commencer dès la rentrée. Avec vous et Caritas, ils dessinent leur avenir. Faites un don sur caritasinternational.be. Là, je cours pour ma forme. Un chouette programme organisé par ma commune pour tous ceux qui, comme moi, n'ont jamais couru. On se réunit chaque semaine avec un animateur. Après 3 mois, on est capable de courir 5 km et même plus. Renseignez-vous vite auprès de votre commune ou sur le site jecourspourmaforme.com. Une initiative du magazine Zatopec avec le soutien de Vivacité. Vous allez jeter un fameux coup d'œil dans le rétroviseur ces 17 et 18 septembre à Francorchamps. Les Spa 6 Hours vous proposent de remonter le temps pour vivre les plus belles courses de voitures anciennes, dont les F1 des années 60 et 70 et les fameuses 6 heures historiques. Programme complet sur spacexawards.com. Viva Bruxelles présente les croisières guidées de Brussels by Water. Jusqu'au 31 octobre, venez découvrir nos voies d'eau de la manière qui vous plaît. Courte croisière jusqu'à Anvers ou croisière apéro en soirée, il y en a pour tous les goûts. Et pourquoi ne pas vous déplacer en bateau avec le Waterbus? Info brusselsbywater.be. Et au 070-233-466 sur la table, Zoé, Belgique-Espagne 0-2. Hier, les Diables ont-ils été ridicules, comme semble le dire toute la presse ce matin? Si oui, pourquoi? À ce propos, j'ai eu Sandrine de Mont-sur-Marchienne. Les Diables ont été nuls, ils ont été ridicules et ça n'a rien d'étonnant, m'a-t-elle dit. On a hué Marc Wilmots et on a fait l'éloge de Martinez, très bien. Mais il fallait se douter qu'un étranger apporterait moins d'importance à notre équipe nationale qu'un vrai Belge. Tous ces entraîneurs ne viennent pas pour l'amour du jeu, mais uniquement pour le salaire qu'ils perçoivent chaque mois. Tout le monde a eu des étoiles dans les yeux, surtout quand le nom de Thierry Henry a été lâché. C'est de la poudre aux yeux, nous dit Sandrine. Martinez, Henry, tous ces gars-là sont là pour le fric et nos Diables sont dans une impasse, nous dit Sandrine. C'est vous qui le dites à Perouet. Ouais. Patrick, bonjour. Oui, bonjour. Et vous souhaitez commenter le tsunami. Caterpillar Gosselies ferme, on l'a appris dans le journal de 9h. Avant de nous dire ce que vous avez à dire aux travailleurs en poste ce matin, vous étiez de la première restructuration? Vous étiez de cette vague de licenciements de 1000 personnes en 2014? Oui, de 1300 personnes, oui, malheureusement. Voilà, donc j'étais avec plusieurs collègues dans la première vague et ça, déjà à ce moment-là, c'était une grande claque dans les dents, je vais dire. Mais alors ici. Ça faisait combien de temps que vous étiez à Caterpillar? S'il vous plaît. Ça faisait combien de temps que vous étiez à Caterpillar? 19 ans. 19 ans. Alors ce matin, Patrick, c'est le tsunami. Nous, on l'a appris à 9h, 9h01. Et vous? Ah, ben écoutez, je l'ai appris en même temps, quasiment en même temps que vous, en écoutant Vivacité ce matin. Et là, je vais dire que ça a été encore une plus grosse claque, parce que moi, je m'attendais encore à des licenciements, mais pas une fermeture totale de l'usine. Ah, vous tombez de haut. Vous aviez pas senti le vent venir. Vous tombez de haut. Ben, je tombe de haut. Si j'ai senti le vent venir en me disant moi-même, déjà en parlant avec mon épouse ce matin, je lui ai dit, en apprenant déjà hier qu'il y aurait un conseil d'entreprise, je l'ai dit à mon épouse ce matin, je m'attendais quand même à un licenciement d'un nombre de personnes, mais pas la fermeture totale de l'usine. Patrick, qu'est-ce qu'il faut dire aux travailleurs? Parce que ça dégénère. Apparemment, ce matin, une soixantaine de travailleurs ont pris des grues, déplacées vers l'entrée pour les bloquer. Il y a des bulldozers qui ont également été déplacés et pris par les travailleurs. Qu'est-ce que vous dites à vos ex-collègues ce matin? Mais qu'est-ce que vous voulez leur dire, Benjamin? Moi, je les comprends tout à fait. Je comprends leur désarroi parce que c'est des centaines de familles qui vont se retrouver dans, allez, je vais dire, pas dans la précarité, mais qui ont des maisons, qui ont des prêts en cours. Et c'est lamentable de la part d'une société comme Caterpillar de licencier ainsi à tout va. C'est la vie économique ou il y a quelque chose de scandaleux dans ce qui se passe ce matin? Écoutez, moi, mon opinion personnelle, c'est... Je ne pense pas que ce soit économique. Je pense qu'ils vont essayer de délocaliser pour aller où la main-d'œuvre est moins chère. Ah ben ils envoient à Grenoble. Il y a une partie du volume produit qui va vers Grenoble et une partie ailleurs, on ne sait pas encore où. Oui, mais je pense que ça y est anguille sous roche. Je pense que ça ne sera pas rien qu'à Grenoble. Je pense que Caterpillar veut trouver de la main-d'œuvre moins chère et ils vont aller la chercher n'importe où. Vous appellerez des amis, des anciens collègues tout à l'heure, là où en raccrochant? Alors, ben écoutez, moi j'ai encore quelques contacts via Facebook et via les réseaux sociaux avec des amis. Et malheureusement, qu'est-ce que vous voulez leur dire, Benjamin? C'est lamentable. Ah, il y a un tollé général ce matin, y compris au niveau politique. Hein. Paul Magnette a déjà réagi, se dit atterré, scandalisé. On parle effectivement d'une rencontre Région Wallonne syndicat. Le ministre de l'économie, Chris Peeters, également est monté au créneau. Et une réunion avec Charles Michel est également envisagée. Donc vous voyez qu'il y a une mobilisation un peu partout ce matin. Il est 9h56, merci Patrick. L'Overval maintenant. Thérèse, bonjour. Bonjour Benjamin. Vous souhaitez commenter le palais? A-t-il eu raison de censurer l'image du petit prince Emmanuel en pleurs dans les bras du roi à l'entrée de son école? Est-ce que vous vouliez voir d'abord cette photo, vous? Oui. Oui? Oui. Vous voulez voir c'est quoi? C'est tellement humain, le petit Emmanuel qui pleure. Il faut laisser cette photo. C'est tellement beau. Et je vous assure, mon cœur, il s'est accéléré de joie de voir qu'un roi aime ses enfants comme ça. Et que son fils a besoin de son papa. Mais si le papa, il voulait garder ce petit moment, vous savez les petits moments que des papas, des mamans partagent avec leurs enfants, ces trucs uniques qui n'appartiennent qu'à nous. Si le roi avait voulu garder ce petit moment pour lui? Oui, peut-être, mais en même temps, il a montré le bon exemple aux citoyens, que les hommes adorent leurs enfants, comme les mamans, et que tous les enfants n'ont pas cette chance. Alors laissons ce plaisir de voir qu'un homme a autant de cœur pour son enfant. Mais alors c'est qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait, un le roi ? Il a besoin de son papa pour être heureux. Le palais a appelé toutes les rédactions. Le palais a appelé toutes les rédactions. Le Sud Presse est fâché. Qu'est-ce qu'ils ont fait au palais alors ? De la censure ? Ils sont fâchés. Le palais a appelé tout le monde en disant « Ne montrez pas cette photo. Ne montrez pas cette photo. » Mais il ne faut pas être comme ça, l'humanité. Il y a tellement de tristesse dans ce monde. Laissons voir au moins l'amour qu'il y a entre les humains. Laissons voir le roi Philippe. Il est tellement charmant. Moi, je l'adore. Il faut laisser voir ça, parce que les hommes en ont besoin aussi. Tout le monde en a besoin. C'est une photo qui peut parler au papa de ce pays ? Comment ? C'est une photo qui peut parler au papa de ce pays ? Oui, parce que tous les papas aussi aiment leurs enfants. Mais je crois que dans ce monde, on ne comprend pas que les hommes peuvent aimer leurs enfants comme ça. Il faut laisser voir cet amour qui est entre un homme et un enfant. Il faut laisser voir. Je vous en supplie, laissez voir. Il ne faut pas être gêné de ça. C'est très humain. Et le petit Emmanuel, je suis très contente pour lui qu'il ait pu se blottir contre son papa. L'image est dessinée dans Sud Presse ce matin, à défaut d'être visible. Merci de nous avoir rejoints à l'Overval, Thérèse. Quelle est la conversation qui s'imposera dans la deuxième partie ? On se retrouve juste après les infos. Ce dimanche, Christophe Maé est en concert sur Vivacité. Je veux de l'âme ! Dès 18h, Bruno Tumers vous propose une spéciale Vivacité en concert avec Christophe Maé. L'occasion d'évoquer les chansons de son nouvel album, La Trappe Rêve, les artistes qui l'ont marqué sur scène et ses prochains concerts chez nous cet hiver et au printemps 2017. Alors, hey, salut, c'est Christophe Maé dans Vivacité en concert. Dimanche, dès 18h. Il est là. Télé sur la Une. Pour la rentrée de lieux interdits, je vous emmène à bord d'un immense paquebot. Comment s'organise la vie de ce palace flottant ? À quoi doit-on le succès des centres de loisirs ? Et Dubaï l'extravagante parviendra-t-elle à devenir la première destination touristique au monde ? Julie Morel vous ouvre les portes des lieux interdits ce vendredi soir sur la Une. On n'est pas des pigeons. Vous non plus ? On va s'entendre. Dès 11h, c'est en Vivacité. Ce mercredi, il y a eu plein de gagnants, mais le jackpot loto n'a pas été gagné. Ce n'est pas grave, la petite minute de la blague idiote. Comment est-ce qu'on appelle un lapin sourd ? Lapin ! Ben oui, il est sourd. Jouez donc au loto ce samedi. Il y a près de 2 250 000 euros à gagner. Bon, ça ne vaut pas mes blagues idiotes, hein, mais enfin, c'est quand même une belle somme. Merci loto. Vous êtes sur Viva, il est 10h. Et le Flash édition spéciale présenté par Lionel de Neubourg. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. C'est le scénario que personne n'osait imaginer, la fermeture de l'usine Caterpillar à Gosselies. Le couperet est tombé il y a une heure maintenant, non pas des licenciements, mais bien une fermeture, une volonté de fermeture pure et simple de l'usine. Maxime Paquet, vous êtes sur place, on imagine la colère des travailleurs. Oui, on l'imagine très bien. On peut même la voir ici. Hein. Il y a déjà plusieurs grues Caterpillar qui ont été déplacées. Ils ont directement démonté du matériel et bloqué la sortie du site. Selon quelques témoignages anonymes qu'on a déjà pu collecter, effectivement, ils le disent, rien ne sortira du site en l'état et ils comptent bien mener des actions. Et c'est une colère qui est justifiée parce que c'est une surprise pour eux aussi. Ils ont l'impression d'avoir consenti déjà beaucoup d'efforts les dernières années en termes de productivité pour améliorer la rentabilité de ce site ici à Gosselies. Alors Caterpillar s'était installé à Gosselies en 1965, il y a plus de 50 ans. On imagine que c'est vraiment une catastrophe pour toute une région. Oui, on parle de plus de 2000 emplois ici, alors que il y en a déjà 1400 qui ont été supprimés, rien que sur ce site. Des fermetures d'entreprises, il y en a régulièrement dans la région, mais ici on parle d'un volume de 2000, plus de 2000 emplois, ça fait 2000 familles derrière. oui, effectivement, c'est un scénario catastrophe extrêmement dramatique pour la région. Oui. Merci Maxime. Maxime Paquet avec nous en direct depuis Gosselies. On le disait, c'est vraiment une catastrophe pour toute la région, alors qu'il y a 3 ans maintenant, le site avait déjà subi une lourde restructuration. Plus de 1400 personnes avaient dû quitter l'entreprise. Et dans la foulée, quelques 150 millions d'euros avaient été investis pour moderniser les outils de production. Donc tout le monde pensait que l'avenir était assuré sur place. Visiblement, ce n'est pas le cas. Dans un communiqué, le groupe Caterpillar, le groupe américain, annonce qu'il veut transférer les activités actuellement à Gosselies pour les faire déménager sur le site de Grenoble, notamment en France, et également en dehors de l'Europe. Donc tout quitterait le site de Gosselies. Et puis c'est aussi par ricochet toute une économie de la région qui va souffrir, tous les sous-traitants. On apprend notamment qu'une autre entreprise sous-traitante, Cediwal, devrait également fermer ses portes. Une première réaction politique à noter, c'est celle de Paul Magnette. Le ministre président wallon se dit atterré, scandalisé par la décision du groupe américain. Paul Magnette qui convoquera la direction dans la journée. On note aussi qu'une réunion est prévue avec le premier ministre Charles Michel et le ministre de l'économie Chris Peters, qui est également envisagé dans la journée à Namur. Donc voilà pour cette information qui est tombée il y a une heure environ. Cette volonté de fermeture de l'usine Caterpillar à Gosselies, volonté annoncée par la direction du groupe américain. Un mot de sport tout de même, les Diables Rouges se retrouvent en ce moment à Nerpéd pour un entraînement à huis clos. Beaucoup de choses à débriefer après la défaite 0-2 hier contre l'Espagne, c'était un match amical. Il faudra se remobiliser avant le match capital contre Chypre, premier match de qualification pour la Coupe du Monde 2018 en Russie. La météo, pas mal de nuages ce matin, surtout sur l'ouest du pays, plus d'éclaircies au sud. Les températures iront de 19 degrés à la mer, 22 degrés en Ardennes et jusqu'à 25 degrés en Gaume. Le point 1, RTBF Mobile Info, c'est avec Stéphane Piedbeuf ce matin. Et la situation est très très calme sur les routes. On perd quelques minutes entre Strombeek et Grimbergen en direction de Zaventem, moins de 5 minutes à présent. Et puis toujours des ralentissements dans les tunnels bruxellois, dans la liaison du tunnel Stéphanie vers la Basilique, du tunnel Rogier au tunnel Arlois vers le midi, ainsi que dans le tunnel Reyers vers le centre. Et puis un accident s'est produit sur le 17 en Versegant autour de Lokeren. La chaussée est à présent dégagée et donc les fils se résorbent. À gauche, à droite, tout droit. Vous avez le choix, comme chez Cora. Ou chez Cora. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Si Stéphane, le débat continue dans C'est vous qui le dites avec Benjamin Maréchal. Merci Lionel, voici donc en direct la deuxième partie de C'est vous qui le dites. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. Et à 10h45, la question qui dérange, c'est le hasard de l'actualité. Elle concerne également Charleroi, où les policiers n'ont plus le moral. Ils arrêtent un homme avec un couteau de 32 cm de long, découvrent que cet homme a déjà reçu 14 avis d'expulsion et ils le relâchent. D'où la question qui dérange ce matin. Mais pourquoi ils n'ont pas trouvé une astuce pour mettre cet homme en prison ? Faut quand même comprendre le contexte. Nous sommes un mois après l'attaque de l'homme à la machette contre deux policiers à Charleroi. Lors d'une opération quartier bouclé, la police Carolo arrête un homme sous l'influence de stupéfiants. On découvre en contrôlant cet homme qu'il a un couteau de cuisine qui dépasse de la manche de sa veste. Et au final, on découvre quoi ? Un couteau de 32 cm de long et un couteau papillon de 23 cm. La police l'arrête, on découvre qu'il a déjà été expulsé 14 fois. Mais est encore là. Mélanie Joris, vous cherchez le bon interlocuteur dans ce dossier, avez-vous une piste ? Oui, plusieurs pistes. On va tenter de parler avec la police de Charleroi ou avec le parquet de Charleroi. On pourra également tenter de passer un petit coup de téléphone du côté de l'Office des étrangers. Vous avez un éclairage dans ce dossier sur l'intervention de la police. Pourquoi ces gens ne sont pas en prison alors que ça semble être une évidence, à tel point que les policiers sont un peu dans le blues. Laissez un éclairage à Zoé au standard. Et le problème pour Véronique de Jean-Blou, c'est qu'il y a trop de vices juridiques dans notre pays. Les policiers sont handicapés par toutes ces lois et ne sont plus capables de faire leur travail correctement. Il faut tout simplement leur laisser plus de flexibilité. Un homme arrêté à Charleroi avec un couteau de 32 cm de long, 14 avis d'expulsion, mais pourquoi on n'a pas trouvé une astuce pour le mettre en prison ? Rendez-vous à 10h45. À 9h, il y avait 3 débats sur la table. D'abord le tsunami, Caterpillar Gosselies qui ferme. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux travailleurs ce matin ?

Vous avez donc souhaité en masse, il faut le dire, cette conversation ce matin, ce qui prouve que la nouvelle touche bien au-delà de Gosselies et de Charleroi. Vous avez souhaité une conversation sur la mort, la fermeture de Caterpillar Gosselies, on l'a appris à 9h ce matin. Plus de 2000 salariés sont concernés, plus de 2000 familles donc, qui apprennent ce matin la fermeture du site. Tout ce qui s'est fabriqué à Caterpillar Gosselies sera alloué ailleurs, sans doute à Grenoble et ailleurs dans le monde. On savait qu'il y avait un contexte. Hein. D'abord, c'est ce licenciement de 1331 travailleurs en 2014. On sait les efforts qui avaient été consentis par le personnel qui était resté sur place, mais il y avait ces indicateurs, puisqu'en juillet dernier, sur base des résultats du trimestre, eh bien, on avait compris que Caterpillar demandait encore des efforts. Surprise générale, après le conseil d'entreprise, ce matin on annonce la fermeture. 070-233-466 par SMS au 3063, Binche en ligne. Alain, bonjour. Bonjour Benjamin. Vous avez travaillé 37 ans chez Caterpillar, vous êtes dans quel état ce matin? Donc j'ai travaillé 37 ans à Caterpillar et j'ai vu toutes les évolutions de l'entreprise. Et donc, la première réaction choquée et solidaire de mes camarades qui y restent. Vous l'avez vécu puisque vous étiez dans la salve de licenciement de 2014? Oui, tout à fait. Donc j'étais avec 1400 de mes collègues dans la restructuration de 2014. Et donc le sentiment qu'on a eu à l'époque, c'était de dire, ok, nous on a notre carrière derrière nous, et donc il faut que l'on s'en aille d'une manière digne. Est-ce que vous avez eu l'impression en partant que vous c'était un sacrifice utile, qu'avec vos 1400, enfin vos 1300 collègues, est-ce que vous aviez l'impression de sauver la boîte à ce moment-là? Oui, mais je dois quand même ajouter que j'ai été conseiller d'entreprise chez Caterpillar, et donc Caterpillar, c'est une entreprise qui a toujours utilisé tout ce qu'elle est il était possible de faire. Donc, lorsqu'elle a commencé en 65, l'investissement de départ était de 4,2 milliards de francs belges, dont 3,8 milliards étaient mis par l'État belge et l'enseigne de la région wallonne. Et donc, ils ont toujours fait ça, imposer le travail de nuit, imposer une flexibilité à outrance. Et donc, jusqu'à dernièrement, imposer des heures supplémentaires. Et donc, il faut savoir aussi que ce qui pourrait partir à Grenoble, ce ne sont que les petits modèles. Parce que Caterpillar Gosselies est aussi une source mondiale pour les gros modèles. Et là, il y a un problème pour pouvoir les mettre. Donc on a déjà dû... Je reviens juste une seconde, Alain, sur les aides dont vous parlez. C'est pour bien comprendre ce que vous êtes en train de me dire ce matin. Est-ce que vous me dites que c'est injuste et que, eu égard à l'investissement de la Belgique et des travailleurs, cette fermeture est indigne, immorale, ne peut pas se produire? Est-ce que c'est ça que vous me dites? Tout à fait. Donc, lorsqu'on reçoit des aides, il est clair que l'on signe des contrats. Et les contrats, souvent, que ce soit avec la région wallonne ou avec l'État belge, vont dans le sens d'un niveau d'emploi. Et donc, lorsque on voit que sur les derniers 150 millions, il y a de nouveau une aide en plusieurs étapes qui avoisine les 25 millions d'euros de la région wallonne, là, de nouveau, je me pose des questions. Mais de l'autre côté, il faut savoir aussi que Caterpillar est lié aussi à la fluctuation mondiale du marché du matériel de génie civil. Ah ben c'est ce qu'a dit Caterpillar dans les derniers communiqués. Hein. J'essaie de retrouver la ligne exacte pour vous donner l'information précise, Alain. Dans la foulée des résultats trimestriels mitigés, le groupe avait annoncé fin juillet que face à une conjoncture morose, il continuerait à réduire ses effectifs. Ce qui veut dire qu'il y a une petite mélodie qui s'était quand même installée et qui confirme ce que vous me dites, hein, ces fluctuations du marché mondial. Alain, merci de nous avoir rejoints. Vous étiez donc dans cette terrible salve, la première, celle de 2014. Je voudrais qu'on s'arrête un instant avant d'aller à Attu, où Luc nous attend pour commenter cette fermeture de Caterpillar. Vous savez que pour Viva, Mathieu Van Winkel de la rédaction est sur place. Il vient de nous envoyer la réaction d'une déléguée syndicale qui forcément ne comprend pas la décision de la direction. Ce sont des mots recueillis il y a quelques minutes sur le site de Caterpillar. Qu'on a fait toujours le maximum pour la société, mais malheureusement, c'est jamais assez suffisant, quoi. Donc après 2013, on pensait qu'après les 1400 personnes qu'on allait enlever, que ça allait aller, en fait. Mais on a vu que c'est toujours le profit, les actionnaires, il n'y a jamais que ça qui compte, et au détriment des travailleurs. Donc ça fait vraiment mal, parce que ici on a pressé vraiment les gens, on a tout fait, on a fait des heures, on n'est pas payé, on fait le maximum, les travailleurs ont chômé énormément, ils ont perdu beaucoup de salaires, et tout ça pour au bout du compte pour rien. Donc ici on nous demande de venir travailler jusqu'au mois d'avril 2017, mais dans quelles conditions? je ne sais pas comment ça va aller, je ne sais pas si on va savoir tenir les gens. En tant que délégué, on va faire le maximum, mais c'est vraiment pas facile. Ah, tenir les gens, vous l'avez entendu tout à l'heure, hein, y a déjà eu un petit peu de mouvement, des ouvriers qui se sont emparés de grues pour bloquer l'entrée du site et des bulldozers qui ont également été pris. Réaction recueillie il y a quelques minutes sur le site de Gosselies. Allons à Attu maintenant. Luc, bonjour. Oui, bonjour Benjamin. 2000 familles ont appris ce matin, puisque l'info n'avait pas filtré, sans compter les sous-traitants. Qu'est-ce qu'on peut dire aux travailleurs ce matin de Gosselies? C'est vraiment pas de leur faute à eux, il y a trop de charges sur notre travail en Belgique et c'est ça qui tue l'emploi. C'est ça, ce qui se passe ce matin, c'est pas une entreprise qui prend une décision, c'est la Belgique qui a un impôt des sociétés énorme. Qui tue l'emploi. Un ouvrier qui gagne 100 euros en coûte 252 à son employeur sans les avantages extra. Donc c'est impossible de garder du personnel en Belgique. Il y a juste un petit bémol, Luc, mais il y a d'autres chiffres qui vont tomber en cours de journée, évidemment, et l'analyse sera très complète sur Caterpillar Gosselies. Mais dans les premières infos qui nous reviennent déjà, 2011, taux d'imposition pour Caterpillar Gosselies, 3,3%, alors qu'on dit à la grosse louche que l'impôt des sociétés est à 33%. Eux, 3,3%. Je ne parle pas de l'imposition, je parle des charges sur le personnel. Qu'est-ce qui fait le personnel avec ça? Parce que là, maintenant, l'histoire est dite. OK, les charges sur le personnel étaient peut-être trop grosses. Mais là, ça ferme. Qu'est-ce qu'on dit aux travailleurs? Ce n'est pas de leur faute. C'est nos élus qui ne sont pas capables de gérer notre pays. C'est tout. Moi, j'habite sur la frontière luxembourgeoise. Plus personne ne s'installe en Belgique à cause des charges patronales. Mais alors, les travailleurs devaient s'y attendre? Parce que tout le monde a l'air de tomber de haut ce matin, sauf vous. Oui. On devait s'y attendre, parce que ça fait longtemps que ça tombe comme ça. Moi, j'ai vécu une des premières grosses fermetures en 74 de l'usine sidérurgique d'Attu. Ça a été la même chose. C'était les mêmes problèmes. Ah, en matière de sidérurgie, on sait que le Grand-Duché de Luxembourg, la région liégeoise et le Pays Carolo aussi en connaissent un rayon, hein, aussi sur les fins de saga industrielle. Merci Luc. C'est pas la faute des travailleurs, c'est le message que vous leur lancez ce matin. Nous allons à Carnion maintenant. Anne-Sophie, bonjour. Oui, bonjour. Votre mari, il travaille à Caterpillar Gosselies. Il fait quoi oui, là-bas? Il travaille là-bas, oui. Il fait quoi? Il fait un petit peu de tout parce que justement, Caterpillar essaye que les employés soient très polyvalents. Donc au départ, on commence par un poste. J'y ai travaillé moi-même. Et puis on les forme pour faire quasiment une ligne complète et parfois même dans plusieurs bâtiments. Donc c'est la politique de Caterpillar. Hein. Votre mari travaille là depuis quand, Anne-Sophie? Ouh là là, depuis des années, et j'ai plus de 10 ans, et puis ma famille a travaillé là-bas aussi, mon papa a travaillé là-bas, moi j'y ai travaillé. Donc, Alors cette question est un peu évidente, mais vous me permettrez de vous la poser quand même. Vous êtes dans quel état ce matin? L'info est tombée à 9h01, il est 10h19, ça fait plus d'une heure qu'on le sait. C'est la catastrophe, là vraiment, ils sont égoïstes, ils ont pressé les ouvriers comme des citrons, parce que c'est ce qu'il faut dire. Ils ont fait des heures, ils ont pris sur eux, on leur a imposé beaucoup de choses. Il y a déjà eu la première salve qu'on a licité des gens, parce que c'est vraiment ça. Et après, je ne comprends pas, parce qu'on a fait des investissements. Donc là, déjà, je ne comprends pas trop le système d'aller liquider des gens pour faire des investissements par la suite, pour après annoncer la fermeture. Donc déjà là, je ne comprends pas leur façon de faire. Ce que faisait votre mari, c'est un travailleur de Grenoble qui va peut-être le faire maintenant. Oui, mais c'est pas compréhensible. Là, vraiment, je ne vois pas pourquoi aller à Grenoble. Apparemment, ici, ça avait l'air d'aller parce qu'ils ont fait des investissements. Vous savez très bien qu'il risquait encore d'y avoir des licenciements, mais on ne pensait pas à la fermeture comme ça. Vous aviez parlé de ça hier, donc on savait qu'il y avait un conseil d'entreprise, mais rien n'avait filtré, ce qui est assez rare dans le fond. Hier soir, vous avez parlé de ça à la maison? Ben oui, on savait qu'il y avait le conseil d'entreprise ce matin, mais peut-être on pensait peut-être qu'il allait encore avoir une salve de licenciement, mais on pensait pas à la fermeture, quoi. Vous avez déjà eu un contact avec votre mari là ce matin? Oui, il m'a annoncé je suis chômeur. Il vous l'a dit comme ça? Voilà, il m'a dit je suis chômeur. C'est tout ce qu'il a su me dire. Il est dans quel état votre mari ce matin? Ben je crois qu'il a eu la claque comme tous ceux qui sont là-bas. Et déjà c'est bon courage à tous les travailleurs parce que c'est toutes les familles qui vont être dedans. Il ne faut pas qu'ils oublient qu'il y a des travailleurs et des familles derrière et qu'il y a des familles complètes qui travaillent aussi à l'usine. Donc ils vont vraiment mettre les gens dans le pétrin, pour ne pas dire autre chose. C'est des familles complètes qui sont parfois là-bas. J'y étais moi-même avant Et voilà, je pense à tous les travailleurs ce matin, là vraiment, c'est la grosse claque, quoi. Ah, cette phrase est terrible, hein, Anne-Sophie. Je suis chômeur, c'est le mot et les mots que votre mari a utilisés ce matin. Elle est terrible. On va marquer un court temps d'arrêt pour aller à Châtelet dans un instant. Nadège est également concernée puisque son mari travaille à Caterpillar Gosselies. Et on le voit bien dans les appels ce matin. Vous êtes très observateur ou très impliqué. C'est une nouvelle qui touche l'ensemble de ce pays. C'est vous qui le dites. Reviens dans un instant. Viva Bruxelles présente. Ça y est, enfin, les plus belles bêtes de l'impro sont de retour à Bruxelles. Venez les observer au bouche à oreille les 1, 2 et 3 septembre. Toutes les infos sur motamo.be. motamo.be. Ne manquez pas la deuxième édition du Toots Jazz Festival à la Hulpe. Un hommage à Toots Thielemans. Une affiche exceptionnelle avec Michel Jonas et Manu Katché, Philippe Catherine, Richard Galliano et Didier Lockwood, BJ Scott, Steve Barrow, Bruno Castellucci et la crème du jazz belge. Les 9, 10 et 11 septembre. Info et tickets, jazzlahulpe.be. Avec vivacité. Bienvenue dans ce cours de langue porcine pour les fermiers. D'après une étude, il apparaît que les éleveurs ne comprennent pas le langage des porcelets. C'est pourquoi nous leur apprenons aujourd'hui trois expressions. La première veut dire « je me sens bien ». La suivante veut dire « j'adore ». Et enfin, la plus difficile veut dire « arrêtez de me castrer, c'est insupportable ». Malheureusement, beaucoup trop d'éleveurs ne le comprennent toujours pas. Aidez-nous à faire interdire légalement la douloureuse castration des porcelets. Rejoignez-nous sur gaia.be. Vivacité Tour des sites organisation présente Lueur Sacrée, un spectacle son et lumière 3D qui met en scène l'abbaye de la Ramée au travers d'un fabuleux récit historique dans le cadre des Journées du Patrimoine. Rendez-vous ces 9 et 10 septembre à l'abbaye de la Ramée pour plonger dans la magie. Spectacle gratuit. Info tourdesites.be. Avec l'avenir, Télépro, la Loterie Nationale et le CGT. L'Union Saint-Gilloise joue cette semaine au Stade Roi-Baudouin une rencontre de Proximus League. Fidèles supporters, sympathisants ou tout simplement amateurs de football, n'hésitez pas à venir encourager les unionistes pour ce match capital. Toutes les infos sur www.rusg.be avec le soutien de Viva Bruxelles. Vivacité et la ville de Charleroi présentent le cortège des 350 ans de Charleroi. Le samedi 3 septembre, géants, sidérurgistes, mineurs, verriers retraceront les grandes étapes de l'histoire de Charleroi. De 17 à 19h de la place Charles II au quai de Sambre. Présence exceptionnelle de l'Homme Gang. Groupes musicaux et chorales sur tout le parcours. Et au 070-233-466, vous me confirmez, Zoé, que pour l'instant, standard, vous avez pas mal de femmes, d'épouses, de compagnes, d'enfants, de travailleurs de Caterpillar. Hein. Oui, des mamans aussi, comme Isabelle de Walcourt. Son fils travaille depuis 12 ans au montage à Caterpillar. Il a deux petits bouts de chou, une maison à payer. Elle ne sait pas de quoi leur avenir seront faits. Son fils est en colère aujourd'hui parce qu'on leur a toujours promis que ça allait reprendre. Mais tout ça, c'était un leurre. Le gouvernement ne fait rien, tout simplement, pour protéger les ouvriers de Caterpillar. Il y a aussi Jacqueline de Thuin. Elle est en colère après tous les sacrifices qu'ont fait les ouvriers. Son mari travaille à Caterpillar. Il a 55 ans. Il n'a plus de travail. Il l'a appris ce matin par un collègue parce qu'il est en congé. Il ne retrouvera pas de travail, m'a-t-elle dit. C'est impossible à 55 ans, surtout quand on voit le contexte économique en Belgique. C'est vous qui dites à Châtelet. Nadège, bonjour. Bonjour. Votre mari travaille à Caterpillar Gosselies depuis combien de temps ? Depuis 12 ans. Il est dans quel état ce matin ? En colère, très en colère, je pense, comme tout le monde. Et vous ? Je suis outrée. Outrée, je suis très en colère aussi, parce que je me dis, ça c'est honteux. C'est honteux d'annoncer ça comme ça. Après tous les efforts qu'ils ont faits, je trouve ça honteux. C'est quoi les efforts que votre mari a fait ? Parce qu'on comprend bien que depuis cette vague de licenciement de 2011-2014, 1331 travailleurs, on comprend bien qu'il a fallu s'adapter. Quels sont les efforts que votre mari a fait ? Mais ils ont dû déjà travailler plus pour un salaire qui est resté le même, parce que quand j'entends certaines personnes qui disent à Caterpillar on gagne bien, non, c'est faux. Je trouve qu'il y a eu le stress après le licenciement, justement, il y a 2 ans où on pensait que beaucoup allait y passer. Vous me permettez cette indiscrétion, c'est quoi votre vie, Nadège ? Vous êtes mariée, vous avez des enfants, c'est quoi votre vie ? Nous avons des enfants, oui, nous ne sommes pas mariés, mais voilà, nous avons des enfants, nous avons un prêt, mais un peu comme tout le monde, loyer à payer, voiture à payer, les enfants qui tombent malades, je pense que ça c'est le quotidien de tout le monde. Maintenant, on se demande un petit peu comment on va faire pour pouvoir joindre les deux bouts. Votre mari, il est au travail ce matin, il est à Caterpillar ? Oui, il est là. Oui, il est là. Il est de ceux qui ont saisi les engins pour aller bloquer les portes. Il y a eu un moment de tension, il paraît, ce matin. Oui, parce qu'on leur a dit, enfin, moi personnellement, je lui ai dit, ne vous laissez pas faire. De toute façon, perdu pour perdu, moi je trouve... Je suis choquée, en fait. Excusez-moi, mais je suis choquée. Je suis choquée d'apprendre cette nouvelle. C'est ça le terrible temps médiatique, hein. C'est que d'habitude, on a tous le temps de se retourner. Là, on est confronté à ça, hein. On l'a tous pris en pleine figure ce matin. Mais de toute façon, ils en avaient parlé il y a 2 ans, de la fermeture de Caterpillar. Je pense qu'avec le licenciement, tout le monde s'était dit, que c'était reparti, parce que moi, je ne trouve pas que Caterpillar... et des soucis d'argent ou des soucis d'économie. Donc hier soir, vous vous êtes pas douté. Hier soir, vous n'êtes pas douté. Non, pas du tout. Pas du tout, parce qu'en plus, moi, j'ai lu sur RTL Info à minuit qu'il y avait un conseil d'entreprise extraordinaire. Et je me suis dit, il va peut-être encore y avoir des licenciements suite à ce qui s'est passé, c'est en Irlande. À quelle heure revient votre mari tout à l'heure ? À savoir s'il va rentrer, je ne sais pas. Mais logiquement, c'est à 15h. Et vous n'êtes pas sûr qu'il va rentrer. J'ai noté ce conseil que vous lui avez donné. Ne vous laissez pas faire, avez-vous dit. Vous nous direz peut-être en cours de conversation, il nous reste une demi-heure ensemble. Nadège, si votre mari donne des nouvelles depuis le site, on a votre numéro à proximité. Vous êtes à Châtelet. Jumet est en ligne dans quelques instants. Mélanie, je voudrais juste qu'on vienne chez vous un instant pour l'éclairage, refaire cette ligne du temps. Parce qu'en 2013, Caterpillar déjà avait vécu une grosse restructuration. Oui, tout à fait. On devoir commencer à zéro parce qu'on vous entendait mal. Alors voilà. Tout à fait. Donc en 2013, je disais, l'entreprise avait déjà subi une lourde restructuration. Le 28 février, on annonçait la suppression de 1400 emplois sur 3700. Cette suppression avait été effective dès 2014 et l'objectif était de diminuer les coûts et de mettre en place une nouvelle organisation du travail. On demandait aux travailleurs d'être plus flexibles et d'un autre côté, la maison mère américaine promettait de nouveaux investissements pour moderniser les lignes de production. 150 millions d'euros avaient été investis. On peut le rappeler aussi, le site de Caterpillar Gosselies est l'un des plus gros employeurs de Wallonie, mais il est fragilisé car il ne produit plus que pour le marché européen, alors qu'auparavant, il livrait encore des machines en Afrique et au Moyen-Orient, où la demande était forte soutenue. Plus de 2000 travailleurs, 2300 selon certaines sources, sans compter les sous-traitants et sans compter évidemment tous ceux qui vivent à Caterpillar Gosselies dans le coin. Mélanie, un mot sur ces derniers résultats trimestriels qui avait été annoncé en juillet dernier. Est-ce qu'ils étaient si mauvais que ça ? Les résultats annoncés étaient plutôt mitigés. Chute de 16% des revenus. Et face à ces chiffres, l'entreprise avait annoncé qu'elle devrait continuer à réduire ses effectifs. Pourtant, en 2015, le chiffre d'affaires était de quelque 47 milliards de dollars américains. On peut le rappeler aussi, Caterpillar est le plus grand constructeur mondial d'équipements de construction et d'exploitation minière, mais également de machines au diesel, au gaz naturel, de turbines à gaz industriel et de locomotives diesel électriques. Ligne du temps, donc, pour comprendre ce qui vient de se passer ce matin en Wallonie et Gosselies. Jumet est en ligne. Magali, bonjour. Bonjour. Votre mari travaille à Caterpillar Gosselies depuis 30 ans. Il va avoir quel âge, votre mari ? 50 ans. C'est quoi l'avenir de votre mari ce matin ? Rien. Rien parce qu'il en parle déjà. Il dit qu'à 50 ans, pour lui, c'est impossible de retrouver du travail. Les cellules de reconversion font leur travail du mieux qu'elles peuvent, mais avec les moyens qu'elles ont. Donc Charleroi va mal, et va même très très mal. Il y a un étrange contraste ce week-end, puisque Charleroi fête son 350e anniversaire, il y a un terrible contraste. Vous avez dit quoi ce matin à votre compagnon, si vous l'avez eu en ligne ? Qu'est-ce que vous voulez qu'on leur dise ? Que c'est la catastrophe, et qu'on sera là pour les soutenir. J'ai plein d'amis sur Facebook... qui nous envoie des messages de soutien, notre famille aussi, mais je pense que ça ne sera pas suffisant au vu de la catastrophe qu'on vient de vivre là maintenant. Il avait échappé, lui, à cette vague de licenciement de 2014 ? Oui, de près, mais oui. Et il avait l'impression que des collègues avaient été sacrifiés pour sauver l'entreprise ou il avait l'impression d'avoir échappé belle ? Oui, c'est un sacrifice. C'est les gens qui se sont sacrifiés justement pour pouvoir... garder la pérennité de l'entreprise et malheureusement, ces gens-là se sont sacrifiés pour rien. C'est quoi la journée de votre mari aujourd'hui ? Il va faire quoi ? Il est 10h30, là, il va faire quoi ? Il ne sait pas quand il rentre. Il ne sait pas. Il est à l'extérieur et il attend. Mais il ne sait pas quand il rentrera. Il ne sait même pas s'il rentrera. Donc voilà. Ça veut dire quoi? Qu'il a envie d'action, de se battre? Il est dans une attitude combative ce matin? Il ne se laissera pas faire, bien sûr. Bien sûr. Parce que justement, pour le sacrifice de ses collègues, par respect pour eux, je pense qu'ils ne vont pas se laisser faire. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce qui se passe? Ne pas se laisser faire face à une entreprise qui annonce une fermeture. Il n'y a pas d'ambiguïté dans les mots. Fermeture. Non. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Non seulement Caterpillar ferme avec 2200 emplois en moins, mais il y a les sous-traitants. Et je pense que ça fait plus de 10 000 emplois. Ben voilà, 10 000 chômeurs à Charleroi en plus, quoi. Magali, vous êtes à Jumet ce matin. Vous avez entendu que d'autres femmes, mères, épouses étaient dans la même situation que vous ce matin, avec une volonté de se battre. On l'a bien compris chez votre mari et chez le mari de Nadège il y a quelques instants. Il est 10h32, c'est l'heure de la proportion maintenant. Zoé, dans les Appelantes ce matin, combien estime que la fermeture de Caterpillar est due notamment au syndicat? 60% pensent que la fermeture de l'usine Caterpillar de Gosselies est liée à l'action syndicale, aux syndicats qui n'ont pas arrêté de faire grève. Toutes ces grèves n'incitent pas les PDG, les dirigeants de l'usine, à rester en place. La FGTB a tué l'entreprise, m'a-t-on dit ce matin au Standard. RTBF Mobile Info, Stéphane. C'est très calme, Benjamin, sur nos routes. Léger ralentissement entre Wezembeek et Tervuren vers Waterloo sur le ring de la capitale en circulation intérieure. Toujours un trafic dense à Bruxelles, dans Bruxelles, dans la liaison du tunnel Stéphanie vers la Basilique, du tunnel Rogier au tunnel Arlois vers le midi, ainsi que dans le tunnel Reyers vers le centre. À gauche, à droite, tout droit. Vous avez le choix, comme chez Cora. Ou chez Cora. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et dans un instant, la question qui dérange, j'attends un nom. Les policiers de Charleroi, en plus de tout ce qui se passe à Charleroi, n'ont plus le moral. Ils arrêtent un homme avec un couteau de 32 cm, découvrent que l'homme a déjà reçu 14 avis d'expulsion et on le relâche. Pourquoi ils n'ont pas trouvé une astuce pour le mettre en prison? Voilà une question qui dérange. J'attends un nom après ceci. Fanny? Oui, monsieur? Pourriez-vous appeler Convert, notre agence intérim? À quel sujet? Vous savez, j'avais promis un tour du monde à ma femme. Eh bien, nous partons. Mais qui va s'occuper de la gestion, du commercial? Et en plus, vous êtes aussi parfois sur chantier? Justement. Appelez Convert, ils ont les bonnes personnes pour chacun de ces jobs. Convert, travail intérimaire pour employés, ouvriers et étudiants. Convert avec un K, s'occupe de votre cas. Toutes les infos sur convert.be. Avec Lidl, faites du sport maintenant. Parce que le programme de cet été, c'est apéro, barbecue et glace. Alors accompagnez Lidl sur les étapes cyclistes du beau vélo de Ravel. Rendez-vous sur notre stand Vitalité et tentez de gagner de nombreux cadeaux. Plus d'infos sur Lidl.be. Lidl, pour tout ce qui compte. Mais ma chérie, je ne peux pas demander conseil à Abiome pour la couleur du nouveau canapé. Et pourquoi pas? Ils ont les meilleurs conseillers, tu sais. Seulement pour les portes, les fenêtres et les vérandas, chérie. Et pas pour les canapés? Non. Abiome, depuis 38 ans, les meilleurs spécialistes. Mais seulement pour vos châssis. Abiome, fenêtres, portes, vérandas. Renseignez-vous sur abiome.be. Ce mercredi, il y a eu plein de gagnants, mais le jackpot loto n'a pas été gagné. Ce n'est pas grave, la petite minute de la blague idiote. Comment est-ce qu'on appelle un lapin sourd? Lapin! Ben oui, il est sourd. Jouez donc au loto ce samedi. Il y a près de 2 250 000 euros à gagner. Bon, ça ne vaut pas mes blagues idiotes, hein, mais enfin, c'est quand même une belle somme. Merci, loto. C'est vous qui le dites, la question qui dérange. Les policiers de Charleroi n'ont plus le moral. Un mois après l'attaque de l'homme à la machette sur deux policières, nous sommes mercredi, opération quartier bouclé en plein cœur de la ville, et la police arrête un homme qui est sous l'influence de stupéfiants. Un couteau de cuisine dépasse de la manche de sa veste. L'homme se promène, c'est ce que découvrent les policiers à ce moment-là, il se promène non seulement avec une arme blanche de 32 cm de long, mais il a aussi un couteau papillon de 23 cm. On l'arrête, le ramène au commissariat, et là, quand on découvre qu'il a fait l'objet de 14 expulsions du territoire, eh bien, on le relâche. D'où la question qui dérange. Est-ce qu'on ne pouvait pas trouver une astuce pour garder cet homme emprisonné quelque part? Mélanie Joris, vous cherchez le bon interlocuteur dans ce dossier. Qui? Qui, eh bien, une fois n'est pas coutume, avec qui ne parlera-t-on pas? Eh bien, nous ne parlerons pas avec David Quinault, le porte-parole de la police de Charleroi. L'homme est dans un état de lassitude plus que prononcé. Il m'a rétorqué qu'il ne ferait pas de communiqué de presse à chaque fois que le problème se pose. Lui et ses hommes font leur travail plus que correctement. Il envoie les rapports à l'Office des étrangers et c'est là que ça coince. De son côté, lui, il cumule 5 fonctions et sa zone de police ne dispose brusque de 896 hommes au lieu des 1058 prévus. Vu notre brève conversation de ce matin, on peut réellement dire que l'homme est en pleine saturation. Alors je me suis tournée vers l'Office des étrangers pour tenter de comprendre pourquoi des illégaux, parfois potentiellement dangereux, sont toujours sur notre territoire malgré des avis d'expulsion. Et pour répondre à ces questions, eh bien nous aurons en ligne Dominique Ernoux, la porte-parole de l'Office des étrangers. Eh bien, nous lui soumettrons alors les questions qui dérangent, puisque la police de Charleroi a à ce point le blues que le porte-parole ne vient plus à nous. Vous avez un éclairage, laissez-le à Zoé au standard. Et le problème pour Françoise de Nivelles, c'est que les tribunaux ne font pas leur problème, ce sont les grands fautifs. Ici, les policiers ne peuvent pas faire leur travail, elle comprend qu'ils en aient marre. 14 demandes de quitter le territoire et un type qui se balade avec une arme, on empêche la police de faire son boulot. À vous alors de nous éclairer si vous voulez que la conversation soit le plus pertinent possible, mais pourquoi Charleroi n'a pas trouvé une astuce pour mettre cet homme en prison? À 14 fois, on lui a demandé de partir, il était toujours sur le sol belge. Rendez-vous à 10h45. C'est vous qui le dites. En attendant, vous avez choisi une conversation sur l'info qui a pris tout le monde de court ce matin. À 9h01, nous avons appris en direct le tsunami. Caterpillar Gosselies ferme. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux travailleurs ce matin? Après ce conseil d'entreprise dont on ne savait rien, eh bien les travailleurs sont tombés de haut puisqu'on a appris la fermeture de l'usine. Caterpillar envisage d'allouer les volumes produits en Belgique à d'autres centres de production que sont Grenoble et ailleurs. Gosselies qui fabrique donc essentiellement des engins de chantier, vous l'aurez compris. 070-233-466 par SMS au 3063. Nous sommes à Morlanway. André, bonjour. Bonjour. Et vous travaillez depuis 33 ans chez Caterpillar. Oui. Vous étiez sur le site ce matin? Oui, j'étais sur le site, ce matin. Donc j'ai pris ma journée habituelle. Quand je suis arrivé, bon, bien sûr, tout le monde se posait des questions sur ce qui allait être annoncé. Et alors, quand on a appris la nouvelle, je vais dire, ça a été le coup de main dessus pour tout le monde, quoi. Pourquoi vous êtes rentré chez vous? Pourquoi vous n'êtes pas sur le site avec les autres? Être sur le site, ça ne sert pas à grand-chose. La décision a été prise, parce que bon, c'est vrai que le communiqué prête à confusion, mais la décision est prise. Je pense que l'usine va réellement fermer. Ça fait un petit temps qu'on en parlait, il y avait des rumeurs qui circulaient, donc voilà quoi. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ce matin? Parce qu'on posait la question aux autres, qu'est-ce qu'on peut dire aux travailleurs ce matin? Vous en êtes. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ce matin, intelligent? Maintenant, je pense que c'est dans les mains peut-être éventuellement du gouvernement, de voir éventuellement ce que le gouvernement peut faire, mais j'ai des gros doutes à ce niveau-là. Je pense que la décision aux États-Unis a été prise. Donc il y a déjà réaction de Paul Magnette, hein, ministre-président wallon, et on parle d'une réunion Chris Peters, Charles Michel. Oui, mais bon, je vais dire, qu'est-ce que le gouvernement peut faire avec une grosse multinationale? C'est la question. Est-ce que la multinationale va changer d'avis? Je ne pense pas. Est-ce que Charleroi, est-ce que Gosselies est prêt à se reconvertir? Ou là, on a vraiment une fameuse pierre dans la chaussure qu'on n'a pas vu venir? Ça, je ne saurais pas vous le dire. Ça, je ne suis pas... Vous avez quel âge? Je ne sais pas ce qui va. J'ai 53 ans. Vous allez faire quoi? Pour le moment, terminer, je vais dire, le contrat. Et une fois que la fermeture sera effective, vous commencez à chercher un travail, quoi. Vous avez déjà eu des contacts avec d'autres collègues ce matin? Non. Des collègues, oui, bien sûr. À l'usine, bien sûr. Mais depuis plus. Et vous êtes là ce matin. Merci d'avoir dit comment ça s'est passé ce matin. Vous êtes arrivé au travail comme si de rien n'était. Vous me passerez l'expression. Il est 10h39. On appelle les experts. Le monde syndical est en ligne. Président de la FGTB, Eno Namur, Antonio Cocciolo, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Tout le monde est pris de court ce matin. Est-ce que vous donnez déjà une consigne aux travailleurs qui sont affiliés à FGTB? On voit qu'il y a déjà un peu de tension là sur le site. Quelle est la consigne que vous donnez aux travailleurs? Écoutez, la délégation locale vient d'avoir l'information au conseil d'entreprise avec l'information que vous connaissez. Donc, dans les prochaines heures, c'est une information aux travailleurs qui va avoir lieu. Mais on sait déjà qu'il y a des incidents au niveau de l'entreprise, donc, mais qui sont justifiés et pas condamnables quand on sait un peu la manière à laquelle la corporation et Caterpillar en particulier, Gosselies, a géré cette situation avec l'annonce de ce matin de la fermeture. Donc ça, c'est une position claire. Hein. Les actions de ce matin, vous les soutenez? Écoutez, comment ne pas soutenir en tout cas une réaction d'écœurement des travailleurs alors que en 2013, ils ont déjà énormément payé avec le licenciement de 1400 personnes. Hein. Donc à l'époque, nous avions exigé du côté de la FGTB un investissement de 150 millions. Cet investissement a été effectué sur la ligne de montage et aujourd'hui l'entreprise de Gosselies était considérée comme une des plus rentables du groupe Caterpillar. Donc je me rappelle encore des déclarations de l'époque du responsable du site de Gosselies en nous disant on a investi et on est parti pour des années de production, vous voyez. Je voudrais non pas votre réaction, mais savoir ce que vous êtes susceptible de pouvoir faire, ou pour le dire autrement, comment ça va se passer. Caterpillar décide de fermer, c'est unilatéral et il n'y a plus de discussion, ou maintenant vous êtes obligé légalement de passer par une étape de dialogue. Quelle est l'étape légale, la prochaine étape légale? Bah écoutez, c'est une étape et une procédure classique, hein, avec toute la procédure Renault, hein, ce qu'on appelle la procédure Renault. Ça, c'est une voie sur laquelle les organisations syndicales vont suivre, mais il n'y aura pas que ça, monsieur. Hein. Je pense qu'ici, nous allons interpeller toutes les autorités politiques par rapport au comportement des multinationales dans ce pays. Vous savez, on est pour l'instant dans des dossiers comme moins d'impôts pour les multinationales, plus de flexibilité. On est dans une situation où on donne des cadeaux sur les internationales en espérant en tout cas que ces multinationales restent dans ce pays. Caterpillar-Gosselies a eu tout ça. Hein. Et plus que ça, parce que nous avons négocié la flexibilité supplémentaire. Il y a deux façons de voir les choses. Hein. Quand on parle d'un taux d'imposition de 3,3% en 2011, 3,3%, c'est très très bas, hein, faut-il le dire. C'était une chance pour Caterpillar-Gosselies ou vous me parlez d'un scandale, ce taux d'imposition-là? Mais monsieur, les organisations syndicales, on a toujours négocié ce genre de flexibilité ou cette fiscalité des impôts des sociétés. Mais ce qu'on veut en contrepartie, c'est la garantie d'emploi et la garantie que ces multinationales restent sur le site de Gosselies, en Belgique en particulier. On peut pas d'un côté recevoir en tout cas les deniers publics et de l'autre côté... Quand au niveau du groupe Caterpillar, on décide de quitter l'Europe, eh bien de ne pas tenir compte, en tout cas, de la population de la région. Ça, je pense qu'aujourd'hui, la FGTB, au-delà de la procédure Renault, on va interpeller les politiques et la politique que ce gouvernement veut mettre en place envers les multinationales et les entreprises en général. Antonio Cocciolo, un mot donc sur la fermeture annoncée. Est-ce qu'on est dans un coup de bluff? Donc on sait qu'en général, les entreprises annoncent beaucoup. On passe par la période de négociation pour finalement aboutir à quelque chose qui n'est peut-être pas le drame annoncé. Est-ce qu'on est dans ce scénario-là? Ils annoncent une fermeture, on négocie, au final, on maintiendrait une petite activité. Monsieur, j'ai travaillé à Caterpillar pendant 27 ans et j'ai été responsable et président de la délégation FGTB pendant plus de 20 ans. Et je sais que ça ne bluffe jamais du côté des Américains. Donc je pense que c'est une confrontation directe, industrielle, économique et idéologique qu'on va avoir avec ce groupe. Vous permettez un instant, vous êtes en ligne, je vous demande de rester en ligne, Antonio Cocciolo à la FGTB au Namur. On va juste se connecter au 070-233-466 car il y a aussi, Zoé, des inquiétudes sur les sous-traitants, hein, de Caterpillar. Oui, des inquiétudes. C'est Lionel Doupay notamment qui a cette inquiétude. Hein. Il soutient bien sûr les travailleurs de Caterpillar, mais Lionel aimerait aussi que l'on prenne en compte tous les sous-traitants qui travaillent pour Caterpillar. Il s'inquiète de l'avenir de son beau-fils qui travaille à Carwal, l'un des plus gros sous-traitants de l'usine. Sa fille l'a appelé, elle lui a confié que tout le monde est à l'arrêt et qu'il y a ce matin même une très grosse réunion à Carwal pour parler de l'avenir de l'entreprise. Ah, à ce propos, alors, Antonio Cocciolo, vous pouvez nous dire l'ampleur du drame dans la région, dans Caterpillar à Gosselies ont plus de 2000 personnes, mais quelle est l'ampleur exacte? Combien d'entreprises vont être touchées par cette annonce? Bah écoutez, il y a des dizaines d'entreprises sous-traitantes qui vont être touchées par cette annonce. Hein, et je vous annonce qu'il y a eu un conseil d'entreprise ce matin, en même temps que celui de Caterpillar, à Sidiwal, qui est une société sous-traitante de logistique qui travaille à 100% pour l'entreprise de Gosselies, qui vient d'annoncer la fermeture totale, et c'est 80 personnes qui seront licenciées, en plus du site de Gosselies. Mais voilà, il y a plus ou moins 2200 personnes sur le payroll de Caterpillar Gosselies et il y a à peu près entre 4000 et 5000 personnes qui travaillent pour Caterpillar en Belgique. Hein. Donc vous pouvez mesurer en tout cas les dégâts en cascade que peut avoir cette annonce de fermeture. Très honnêtement, vous sur le plan personnel, vous vous attendiez pas à ça? On a beaucoup dit hier que rien n'avait filtré, tout le monde se demandait. Mais vous, sur le plan personnel, très honnêtement, vous êtes tombé de haut ce matin? Mais effectivement, hein, nous avions il y a deux ans fait de sorte de tenir cette entreprise droite et productive. Les travailleurs ont subi des restructurations, il y avait ces investissements, ce que j'ai dit tout à l'heure, et je pensais franchement qu'on était parti pour une grosse dizaine d'années, mais voilà. Ça, c'est vraiment le problème des multinationales. Vous pouvez avoir des gestions correctes au niveau local et que, être influencé par des décisions qui sont prises de l'autre côté du monde. Ça aussi, syndicalement, on devra y réfléchir. Vous êtes, je le rappelle, président de la FGTB et Nonamu, Antonio Cocciolo. Merci donc de nous avoir rejoints ce matin sur la suite du mouvement. On va se reconnecter rapidement au standard, Zoé, car il faut effectivement parler du demain et de la reconversion. Oui, la reconversion, c'est le sujet qu'a abordé Eleonore de Fleurus. Elle s'inquiète pour tous les travailleurs qui ont plus de 50 ans et qui travaillent à Caterpillar. Quel travail vont-ils retrouver? C'est impossible de retrouver un travail en Belgique quand on a cet âge-là. Dans un instant, la question qui dérange. Pourquoi à Charleroi, on ne trouve pas une astuce pour mettre en prison un homme qui a un couteau et qui a déjà été expulsé 14 fois sans partir du territoire? Encore un choix. Ce soir, sur Vivacité, découvrez Encore un soir, le tout nouvel album en français de Céline Dion. Jamais rien demandé. Céline Dion est enfin de retour. Écoutez-la ce soir dès 19h dans le tip-top de Vivacité et ramenez-la chez vous. Vivacité vous offre son nouvel album, Encore un soir. Ce dimanche, retrouvez tous vos artistes préférés en live. De 18h à 20h, Vivacité est en concert. Un smartphone performant, c'est chouette. Sinon... Oh, Caro ! Je viens liker ton dernier commentaire en direct parce que j'arrive plus à le faire avec mon vieux GSM. Mais tu viens quand même de loin. Mais oui, mais c'est pas grave. Je te laisse, je vais liker la photo de profil de Marie. Ne perdez plus une seconde pour liker. Profitez maintenant chez Orange d'un tout nouveau smartphone 4G à seulement 9€ avec Dauphin 25 smartphone. Et restez connecté avec le monde. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. Tu sais, chez Disneyland Paris, ils font les jours du oui. Ah oui? Alors, on se demandait si t'allais dire oui. Oui. T'es sûre? Oui, oui. Parce que parfois, tu dis oui et puis... Oui, oui. T'es sérieuse, là? Oui. Oui, youpi! C'est le moment de leur dire oui. Oui à Disneyland Paris. Réservé pendant les jours du oui, avant le 29 septembre, pour bénéficier de jusqu'à 30% de réduction sur votre séjour. Et en plus, c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Réservé chez Jet Air Center, votre agent de voyage ou sur jetair.be. C'est vous qui le dites, la question qui dérange. La police de Charleroi sature à tel point que le porte-parole de la police n'a pas souhaité parler ce matin. Les policiers ont donc arrêté un homme avec un couteau de 32 cm de long plus un couteau papillon de 23 cm. On découvre que l'homme a déjà été expulsé 14 fois. On l'arrête, mais on doit le relibérer. On le remet en liberté. Pourquoi ? On appelle l'Office des étrangers dans une seconde. Dernier éclairage, Zoé, au standard. Le problème pour Sophie d'Herbemont, c'est qu'on laisse trop de chance aux illégaux. Dès que le premier avis d'expulsion est signé, acté, la police devrait expulser dans les heures qui viennent la personne concernée, nous dit Sophie. C'est le porte-parole de l'Office des étrangers qui nous éclaire donc dans ce dossier. Dominique Arnould, bonjour. Bonjour. 14 avis d'expulsion. On peut faire 14 fois appel d'une décision d'expulsion ? Ce n'est pas aussi simple, ce n'est pas une question d'appel. Lorsqu'on notifie un ordre de quitter le territoire, pour rapatrier cette personne, de force éventuellement, il nous faut des documents d'identité. En l'occurrence, la personne qui était interceptée hier, depuis qu'elle est sur le territoire, elle n'a aucun passeport, aucun document d'identité. Donc, elle se dit marocaine, mais elle est peut-être algérienne, elle est peut-être tunisienne. Donc, pour nous, il y a tout un travail d'identification qui prend du temps, parce que sans cette garantie-là, nous ne pouvons pas le rapatrier vers un pays défini. Est-ce que ça veut dire que ça fait 14 décisions que vous êtes encore en train de travailler sur le dossier de cet homme, ou à un moment on fait ce constat qu'il n'y a pas de nationalité détectable et avérée ? Bon, dans un premier temps, il est arrivé mineur. Quand les premiers faits de délinquance ont été commis, il était mineur. Donc l'Office des étrangers ne peut déjà pas maintenir en centre fermé un mineur. On peut se poser la question aussi de savoir pourquoi à ce moment-là le parquet, la justice ne l'a pas placé dans un centre pour mineurs délinquants. L'Office des étrangers n'est compétent que concernant le séjour. Alors maintenant, il y a du séjour illégal à de nombreuses reprises. Et maintenant, la police de Charleroi, je suppose parce que le parquet n'a pas poursuivi, l'a relâché, mais nous l'avons maintenu cette fois-ci. Et donc, il est placé en centre fermé au centre 127 bis. Donc en ce moment, cet homme n'est plus en liberté. Pourquoi la police n'est plus en liberté. Pourquoi la police n'a pas eu d'outils? Donc il y a problème de stupéfiants, on voit bien que ça ne suffit pas à le mettre en prison. Couteau, on voit bien que ça ne suffit pas. Mais le simple fait d'être encore sur le territoire, malgré 14 expulsions, ça ne permet pas l'emprisonnement. Oui, ça c'est plutôt une question à poser au parquet. Il a été condamné à un moment donné à 1 an de prison. Il a tout juste fait 2 mois et il a été libéré. Il y a aussi un problème de surpopulation carcérale, de manque de place. Et nous aussi, à notre niveau, au niveau des places en centre fermé, l'Office des étrangers demande au gouvernement au moins 1000 places supplémentaires. Quel est l'avenir maintenant de cet homme? Donc il est au 127 bis. Est-ce qu'on peut renforcer maintenant l'expulsion? Mais vers où? Puisqu'on n'a pas sa nationalité. Quel est l'avenir de cet homme? Ben selon ses dires, il est d'origine marocaine. Donc nous allons travailler avec l'ambassade du Maroc, le consulat. Nous espérons évidemment que la personne l'intéressée va collaborer. Et nous avons quand même X nombre de mois pendant lequel nous pouvons le maintenir en centre fermé pour l'identifier et le rapatrier sous la contrainte ou avec la force nécessaire. Un mot sur cette différence qui évidemment touche au cœur les policiers de Charleroi qui visiblement ont beaucoup de mal ce matin. L'homme à la machette qui a visé ces deux policiers venait d'Algérie. Il n'y a pas d'accord de rapatriement. Avec le Maroc, vous avez des accords? On a des accords et je comprends très très bien la frustration de ces personnes qui font un travail incroyable sur le terrain et à qui on dit très régulièrement « vous devez relaxer, vous devez relâcher ». C'est très très frustrant, mais il faut savoir que maintenir quelqu'un et le renvoyer vers son pays d'origine, c'est une procédure lourde, compliquée, avec beaucoup de contraintes techniques, une place en centre fermée, une escorte avec 2 policiers, des billets d'avion, des places dans un avion. Donc on ne peut pas rapatrier comme ça en 24 heures sur un claquement de doigts. C'est beaucoup plus compliqué. Dominique Arnould, vous êtes porte-parole de l'Office des étrangers. 1 minute devant nous, un mot encore sur l'impression que ça donne. On croit penser que dans la population, notamment avec le dossier de l'imam de Dizon, le fameux imam de Dizon, cet avis d'expulsion, l'expulsion, on a l'impression que ça ne sert plus à rien dans l'opinion publique. C'est un espèce de gadget, une menace qui ne fait plus peur à personne. Sur cette perception? Oui, on peut avoir cette perception, mais je ne pense pas. Parce que quand on regarde les chiffres des expulsions que nous organisons de force, et même des personnes qui retournent naturellement, il y a beaucoup de personnes qui, quand elles ont reçu un ordre de quitter le territoire, obtempèrent volontairement. On ne doit pas toujours passer par la force. Et on voit que ces chiffres augmentent. Donc oui, on fait un travail important, on augmente nos chiffres. Mais malheureusement, c'est vrai qu'on est confronté à des gros problèmes de terrorisme, de radicalisme, de délinquance, de criminalité, et qu'on est face à une clientèle, je dirais, de plus en plus importante, et avec des moyens et des places en centre fermé qui sont insuffisantes. Bon, c'est une information importante que vous nous donnez ce matin. L'homme qui a fait tant de mal au moral des policiers Carolo, on se comprend avec les guillemets nécessaires, est donc pour l'instant dans un centre fermé au 127 bis, et vous continuez ce travail d'identification qui pourra peut-être demain remener à une expulsion. Merci d'avoir apporté cet élément très important dans la question qui dérange. Vous êtes porte-parole de l'Office des étrangers. On va marquer une nouvelle pause et évidemment les enseignements du dernier C'est vous qui le dites de la semaine dans quelques instants. Et oui, la fête continue chez AJD Caravane et Motorhome à Neupré. Vous êtes invité aux portes ouvertes du 3 au 11 septembre. Vous pouvez découvrir les premiers modèles 2017 dans notre nouveau showroom. Vous profitez bien sûr de nos conditions spéciales 50e anniversaire. AJD vous propose aussi les derniers modèles 2016 à prix fou. En plus, nous vous proposons des promos anniversaires sur tous nos véhicules d'occasion. AJD Caravane et Motorhome, route du Condro à Neupré. Portes ouvertes du 3 au 11 septembre. Plus d'infos sur ajd.be. On n'est pas des pigeons, vous non plus? Alors rendez-vous dès 11h sur Vivacité. En télé sur la Une. Pour la rentrée de lieux interdits, je vous emmène à bord d'un immense paquebot. Comment s'organise la vie de ce palace flottant? À quoi doit-on le succès des centres de loisirs? Et Dubaï l'extravagante parviendra-t-elle à devenir la première destination touristique au monde? Julie Morel vous ouvre les portes des lieux interdits ce vendredi soir sur la Une. Du vendredi 9 au dimanche 11 septembre, ne manquez pas le premier anniversaire de votre shopping, les papeteries de Genneval. 3 jours de bonnes affaires et une foule d'animations pour petits et grands. Dimanche, ouverture des commerces jusqu'à 18h. Programme complet sur lespapeteriesdegenneval.be. Les papeteries de Genneval, votre shopping au fil de la laine. Cette semaine avec Femme d'aujourd'hui, le magazine délices et ses recettes pour cuisiner vite et bon. Des plats qui feront plaisir à tout le monde. Femme d'aujourd'hui, tellement nous. Vous allez jeter un fameux coup d'œil dans le rétroviseur ces 17 et 18 septembre à Francorchamps. Les Spa 6 Hours vous proposent de remonter le temps pour vivre les plus belles courses de voitures anciennes, dont les fins des années 60 et 70 et les fameuses 6 heures historiques. Programme complet sur spa6hours.com. Vous ne rêvez pas. Vassieu Godot offre 21% de remise sur la literie, les box springs, les matelas et les sommiers à latte. Vous préférez encore dormir dessus? Profitez de cette action de rêve du 1er au 30 septembre. Vassieu Godot, Alzenberg, E19, sortie 20. Ouvert également le dimanche. Retrouvez votre météo au 0900 277 70. 50 cents l'appel. Quand il fait beau, le temps, je le fais rentrer par mes magnifiques châssis Bellisol. Et quand il fait vraiment beau, il peut même entrer par ma sublime porte Bellisol. Bellisol. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. Nous voici au moment des enseignements. On commence par le débrief question qui dérange avec cet homme que la police de Charleroi n'a pas pu arrêter mais qui est donc maintenant en détention au 127 bis de Steenhuizen. Sur la page Facebook, c'est vous qui le dites, Marion Jomotte. Vous êtes 40 513 à faire le débat sur la page Facebook de C'est vous qui le dites et Jean décrit la situation à Charleroi comme une parodie de la justice. Brigitte, elle comprend les policiers. Elle écrit, il y a de quoi péter un plomb dans ce pays. Et enfin, cette crainte exprimée par Victor, le laxisme de la justice va entraîner une démotivation profonde des gens du terrain. Vous avez choisi une conversation sur le tsunami Caterpillar Gosselies ferme. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux travailleurs ce matin? D'abord un mot sur l'enchaînement des faits. Si vous êtes sur la page Facebook de C'est vous qui le dites, vous savez que nous avions prévu d'autres conversations ce matin et tout le monde, effectivement, c'est le premier enseignement, a été pris de court ce matin, 9h01, la nouvelle est tombée. Voilà pourquoi nous avons adapté nos conversations. On retiendra simplement dans les citations de ce matin des femmes de travailleurs de Caterpillar, Nadège à Châtelet, « Ne vous laissez pas faire », a-t-elle dit à son mari ce matin par téléphone. Magali à Jumet qui nous signale qu'elle ne sait pas quand rentrera son mari aujourd'hui. Et puis l'appel qu'Anne-Sophie de Carnion a reçu. Son mari au téléphone lui a annoncé la fermeture en lui disant « Je suis chômeur ». Dernière personne à laquelle vous avez parlé au standard, Zoé. C'était Julie de Viron-en-Val. Son compagnon est peintre depuis 8 ans à Caterpillar. Il a appris par la radio la fermeture de son usine. Aucune nouvelle de son employeur. Aujourd'hui, le couple se sent démuni. Ils vont sûrement devoir faire un trait sur l'achat d'une maison. Avec deux enfants de 3 et 7 ans, Julie risque et son mari risquent de se retrouver sans aucun revenu. À 9h03, débat sur la table. Et vous avez choisi d'aller plus loin sur le pays Carolo qui a ce matin un genou à terre. Parmi les moments de ce matin, il y a eu Patrick de Perouet à 9h56. Il a travaillé pendant 19 ans à Caterpillar. Son licenciement, lui, il l'a subi en 2014. Bah écoutez, je l'ai appris en même temps que vous, en écoutant Vivacité ce matin. Qu'est-ce que vous dites à vos ex-collègues ce matin? Qu'est-ce que vous voulez leur dire, Benjamin? Moi, je les comprends tout à fait. Je comprends leur désarroi parce que c'est des centaines de familles qui vont se retrouver dans, allez, je vais dire, pas dans la précarité, mais qui ont des maisons, qui ont des prêts en cours. Et c'est lamentable de la part d'une société comme Caterpillar de licencier ainsi à tout va. Caterpillar, c'est une entreprise qui a toujours utilisé tout ce qu'elle était possible de faire. Donc, lorsqu'elle a commencé en 65, ils ont toujours fait ça, imposer le travail de nuit, imposer une flexibilité à outrance, jusqu'à dernièrement, imposer des heures supplémentaires. Ce n'est pas de leur faute, c'est leurs élus qui ne sont pas capables de gérer notre pays, c'est tout. Moi, j'habite sur la frontière luxembourgeoise. Plus personne ne s'installe en Belgique à cause des charges patronales. Un ouvrier qui gagne 100 euros en coûte 252 à son employeur sans les avantages. On savait qu'il y avait le conseil d'entreprise ce matin, mais peut-être, on pensait peut-être qu'il allait encore avoir une salve de licenciement, mais on ne pensait pas à la fermeture, quoi. Vous avez déjà eu un contact avec votre mari, là, ce matin? Oui, il m'a annoncé « je suis chômeur ». C'est tout ce qu'il a su me dire. Maintenant, on se demande un petit peu comment on va faire pour pouvoir joindre les deux bouts. Votre mari, il est au travail ce matin? Il est à Caterpillar? Oui, il est là. Il est de ceux qui ont saisi les engins pour aller bloquer les portes. Il y a eu un moment de tension, il paraît, ce matin. Oui, parce qu'on leur a dit, enfin moi personnellement, je lui ai dit « ne vous laissez pas faire ». De toute façon, perdu pour perdu, voilà, moi je trouve... Je suis choquée, en fait. Cette conversation continue bien évidemment sur la page Facebook, c'est vous qui le dites, et on croit penser qu'elle nous occupera tout au long du week-end. L'information de 9h01, Caterpillar Gosselies ferme. Bon week-end malgré tout et à lundi.